Bienvenue dans cette partie de Mauvais Rêves qu'on va gentil. On a créé donc notre tribu qui s'appelle les enfants fidèles du Haut des Neiges parce que on a un esprit loup tutélaire qui nous suit partout, qui nous est assez fidèle, dont on transporte une relique associée à lui qui nous permet d'être invisible quand tombe la neige épaisse. Et voilà, donc on est quatre membres de cette tribu. Il y a aussi des, il y a aussi d'autres membres, mais on est les membres principaux, on va dire quoi. Je vais vous laisser un petit peu donc faire une description, rappeler vos noms, le nom de vos personnages, faire une description physique ou non, hein, ça peut être une description du caractère, et rappeler quel est votre cauchemar récurrent et quel est le rêve que vous poursuivez, votre espoir, votre quête. Bon, bah, je commence alors. Moi, je suis le grand-père de la tribu, le vieux sage qui s'est renfermé sur lui-même, qui est devenu aigri parce qu'on a abandonné, on commence à abandonner le penchant spirituel, justement, qui fait l'honneur de la tribu et qui est le but de sa vie. Donc, c'est continuer justement l'aspect spirituel de la tribu. Trouver un successeur et malheureusement il en avait trouvé un dans un de son premier fils qui est mort pour sauver sa petite fille et du coup j'ai beaucoup de rancœur par rapport à mon deuxième fils qui lui n'est pas touché par l'aspect spirituel de notre tribu mais plus par rapport à l'aspect survie. Et du coup, oui, j'ai pas dit mon cauchemar. Mon cauchemar régulier, c'est du coup de me réveiller dans un camp abandonné par les esprits et donc en proie à tous nos ennemis parce que nos esprits nous protègent. Voilà. Ok. Et bien donc, moi je suis Oudi, donc le chef du village. Ah, pardonne-moi, Oudi, je t'interromps, mais Oui. Sapa nous a pas dit quel était son rêve. Oui, c'est vrai, pardon. Ah, bah, mon rêve, c'est de trouver. Ah, il faut que ce soit un rêve quand tu dors ou un rêve dans Non, la vie. c'est une quête en fait. Ouais, bah, je l'ai dit, ma quête, c'est en fait de trouver un successeur pour Ah. que la tribu puisse s'élever de manière spirituelle, quoi. Parce que je Pardonne-moi, sais que j'avais pas à côté ça. je suis au crépuscule de ma vie un peu, et je sais qu'il faut que je trouve un successeur parce que sinon, c'est foutu, quoi. Fera peut-être faire un peu moins le difficile parce que t'en as. Je rappelle que t'as. On rappelle que tu as refusé d'enseigner tes arcanes à Innar, sous prétexte qu'il ne vient pas de la Ouais, tribu. mais oui, je sais, on m'en veut pour ça, du coup, mais j'ai des raisons, mais ça viendra pendant le jeu. Bien sûr. Oudi. Donc, Oudi, je suis le chef de la tribu. En tout cas, j'ai dû le devenir alors que ça a jamais été mon destin quand mon frère Pija est mort. Et donc, voilà, Oudi, c'est un homme de petite taille, assez costaud, marqué par la vie, assez renfrogné, qui exige beaucoup de lui-même et beaucoup des autres membres de la tribu. Voilà, les gens ont tendance à dire qu'il a un peu un cœur de pierre, mais il est simplement un perfectionniste. Et donc, sa rancœur, en fait, c'est que la mort de son frère, elle n'est pas purement accidentelle, c'est la faute de Kirste, en fait. Sa nièce, qui était partie en dépit des avertissements des adultes et des anciens sur les territoires de chasse la falaise hurlante, alors que voilà, on lui avait dit qu'il y avait un dangereux tigre. Et voilà, elle a ignoré les avertissements, elle y est allée et son père est obligé de la sauver. Et donc, il est mort dévoré par le tigre à cette occasion. Et donc, voilà. Woody en veut beaucoup à Kirste pour ça. Et donc son cauchemar justement, c'est il se revoit dans cette forêt comme s'il avait été là ce jour-là. Et en fait, il voit son frère se faire dévorer par une créature qui est à moitié Kirste et à moitié un tigre. Son cauchemar récurrent. Et donc son rêve, bah, ce serait en fait d'emmener la tribu loin d'ici, ou en tout cas à un endroit où elle serait en sécurité, ou faire en sorte que là où ils soient en sécurité. Voilà. Bah, du coup, c'est peut-être la fille de Lisa. Ouais, donc moi je m'appelle Kirste, j'ai 13 ans, je suis donc la fille de Pija qui est lui-même le fils de Sapa et le frère de Udi, enfin qui était, hein, puisque Pija est mort effectivement en me sauvant. Moi je suis très blonde avec des yeux vraiment très clairs, la peau pâle. Et j'ai des habits traditionnels avec la coiffe, notamment donc rouge et blanc, rouge et bleu. Mais par contre, un peu débraillé, parce que je suis toujours par Mons et par Vaux et tout, et je m'intéresse beaucoup plus à la chasse et à jouer du tambour ou à tirer à l'arc plutôt que de participer aux danses folkloriques ou à ce genre de choses, quoi. Et donc je prends pas trop soin de mes affaires, quoi. Et je suis très très vive d'esprit, très rapide, je cours comme le vent, comme les lapins des steppes. Mon cauchemar, j'avoue que ça fait un peu doublon, mais je vais quand même le faire. En fait, ça me paraît trop marquant pour que j'en fasse l'impasse. C'est que du coup, mon cauchemar récurrent, c'est juste que je me rappelle mon père qui se fait tuer sous mes yeux, en fait, par le tigre, quoi. Désolé de te l'avoir piqué. Non, mais je pense que ça peut être intéressant de voir un peu l'effet miroir, quoi. Que c'est pas vu de la même, c'est vu d'une façon différente des deux côtés, quoi. Mon rêve, c'est d'être indépendante, en fait. Pas tout à fait que je veux quitter la tribu, mais au moins tout le monde me traite. J'arrive à un moment où tout le monde me traite à la fois comme une gamine et en même temps me demande de prendre des responsabilités d'adulte. Et finalement, ni l'un ni l'autre ne me conviennent. Je voudrais surtout qu'on me laisse ma totale autonomie. Et donc, notamment, je suis assez frustré de devoir épouser Einar juste parce qu'un chaman a lu ça dans les étoiles qu'on était liés, quoi. Donc, pour le moment, j'en ai pas fait part à Einar, mais j'avoue que si je pouvais éviter ce mariage, ça m'arrangerait, quoi. J'y ai gentil, donc je vais pas lui faire de peine. Donc, pour le moment, j'ai rien dit, mais je ronge mon frein. Donc, je pense que c'est le moment de présenter Einar. Ouais. Donc, Einar n'est à la base pas originaire de cette tribu. C'est lorsque une autre tribu s'est croisée. Les chamans ont interrogé les étoiles. Et, continuez sur moi, je vous quitte un tout petit instant. Donc, les étoiles ont indiqué que Einar et Kirst étaient faits pour être ensemble. Et donc, pour ne pas froisser les esprits, Einar est venu dans la tribu. Et donc, c'est un jeune homme de 16 ans, assez taciturne. Visiblement, il a plus un talent pour se faire obéir et accepter par les animaux que par les humains. Et en fait, sa rancœur, c'est que dans sa tribu d'origine, il était censé devenir l'apprenti Noïdé, donc l'apprenti du chaman, et visiblement Sapa, donc le chaman de la tribu, lui refuse ce droit sans même véritablement lui expliquer pourquoi. Et donc son cauchemar, c'est qu'une fois qu'il sera mort, finalement les esprits ne lui permettent pas d'accéder à l'au-delà. Parce que justement, il n'aura pas pu accomplir son rôle. Et son rêve, c'est de se faire accepter entièrement par la tribu. Ce qui, pour le moment, passe effectivement par être le gendre irréprochable. Et donc, le futur époux de Kirst, afin de sceller son acceptation. Ok. Alors, oui, il y a un petit peu de travaux à côté de chez moi là, et du coup, j'étais porte fermée, mais j'ai dû ouvrir la fenêtre pour donner l'électricité à l'ouvrier. Donc, ça fera peut-être un peu de bruit. Je vais essayer de mettre en push tout talk dès que je pourrai. Merci, c'est un jeu sans MJ. Donc, il va falloir désigner l'adversaire principal. Alors, l'adversaire principal, c'est-à-dire que pendant une journée, l'adversaire principal, c'est celui qui va gérer l'adversité durant la journée, en fait. Donc, il fera un peu le MJ, quoi. Donc, le premier qui a une idée intéressante d'obstacle ou de question un petit peu poil à gratter pour les personnages va endosser en fait ce rôle d'adversaire principal qui va tourner en cours de partie. Qui a envie de s'y coller pour le premier tour ? Allez, si vous voulez, je me lance. Allez. Ok, super. Donc, au cours de cette journée, en fait, chacun de nous va tenter d'apporter à la famille ce dont elle a besoin pour survivre en réalisant les activités traditionnelles de la tribu. Donc, parmi ces activités, il y a quatre grands thèmes qui sont la chasse, pêcher, récolter, ramasser du bois, apaiser les esprits, donc ça c'est accomplir les rites tribaux ou les cérémonies, s'occuper du troupeau, nourrir les rennes, construire un enclos, s'occuper du camp, cuisiner, garder les enfants, réparer et construire. Mais rien n'oblige à s'y tenir, quoi. Hein, donc vous pouvez décider d'autres activités, quoi. Donc on fait ça à tour de rôle, c'est-à-dire que chaque personnage va faire une activité. Il peut être assisté en cela par un autre personnage, et puis on tourne, quoi. Sachant que, évidemment, en fait, oui, le MJ change à chaque fois qu'on change de focus, on passe le focus sur un autre personnage, quoi. Tu veux bien expliquer comment ça se passe exactement, ce changement de MJ, du coup ? Eh ben, par exemple, mettons que ce soit moi qui fasse une activité, et que ce soit Jeff, le MJ. Je vais faire mon activité, aidé ou non par Sapa et Woody. Et pendant ce temps-là, Jeff, en tant que MJ, me met des bâtons dans les roues. Et une fois que mon activité est terminée, Jeff redevient joueur normal. Peut-être même que justement, on va jouer son personnage, on va jouer l'activité. Des nards, et puis du coup ça pourrait être par exemple Tapis qui soit MJ pendant que Jeff fait son activité, quoi. Et du coup l'adversaire principal il sert à quoi exactement alors ? Eh bien il sert à en fait pendant mettons que ce soit moi qui joue mon activité, je suis assez libre de raconter ce qui se passe, je peux prendre en main le décor et les figurants, idem des autres personnages des autres joueurs qui se joindraient à moi. Mais le MJ, il a deux rôles en fait. C'est Alors attends, l'adversaire principal et le MJ, c'est la même chose. Oui, c'est ça, ouais. Ah d'accord, excuse-moi, j'ai pas compris ça. Désolé. Ah ok. On va dire MJ pour faire plus simple le reste du temps. Ok. Et donc, il a deux rôles, c'est soit il décide. Enfin, il va à la fois décider d'un obstacle à placer sur la route du personnage actif. Et il va aussi poser une question dramatique au joueur actif à propos de son personnage. Voilà, voilà. Alors, le joueur du chef de famille prend la parole en premier. Ouais, on doit désigner ce qu'ils appellent le chef de famille, mais en fait... Ouais, c'est tout tracé, c'est pour moi, c'est Antonio. Enfin, c'est Woody. Ouais. Okay. Après, c'est un peu chelou le concept de chef de famille, parce que j'ai l'impression que ça désigne surtout celui qui commence la journée, puis effectivement, il va gérer un peu des tours de parole plus tard. Mais est-ce que vraiment le personnage est chef de famille, Enfin, tu vois, narrativement, je suis pas. Bah, c'est peut-être celui qui donne les. Dire ce qu'il faudrait faire, quoi, dans l'idée. Tu vois, pendant la veillée, le chef de famille organise la conversation. Pendant la journée, il fait rien de particulier à part qu'on joue son activité en premier, quoi. Bon, écoute, on peut commencer avec mon activité et puis après, ouais, okay, ouais. On verra comment ça se passe pendant la phase, ouais. La phase de nuit. Mais techniquement, si tu veux, si le tour suivant, le jour suivant, on dit que c'est Kirste, chef de famille, parce que ça doit forcément tourner, ça fait pas d'elle finalement la chef de la tribu du tout, quoi. Hein. C'est juste que là, toute petite responsabilité en plus. Mais bon, c'est pas. Bref. Le terme aurait pu être différent, je pense. Ok. Donc, Oudi, tu es le chef de famille donc pour cette première journée. Tu peux commencer par décrire la situation de la famille alors que chacun s'apprête à partir pour la journée. Et la discussion peut te mener à attribuer des tâches à d'autres personnages, mais tu n'as pas d'autorité hors de la fiction. Ouais, donc en fait, c'est ça. Tu es chef de famille. En fait, narrativement, t'es pas du tout chef de famille. Je vais t'appeler joueur leader, ça va être plus simple, parce que sinon, on va s'y perdre. Ok, ça marche. Ok. Eh ben, on attaque ? Ouais, ouais. Allez. Vas-y, commence par décrire la situation de la famille, quoi. D'accord. Eh ben donc, je me lève, c'est le matin, donc... Et tout est silencieux autour de la tribu. On est au début du printemps, donc les journées sont en train de rallonger. On est sorti d'un hiver assez rude, et donc la tribu est assez mal en point. On va dire que ben voilà, c'est pendant ce long hiver en fait, on a eu très faim. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Kirste a pris cette initiative malheureuse à l'époque. Et donc, voilà, je regarde un petit peu les gens de la tribu commencer à se lever et à manger leur viande séchée du matin. Et je passe un peu parmi les gens pour leur parler, leur demander comment ils vont. Voilà, mais je suppose qu'on doit, tous être réunis autour d'un feu, quoi. Mmh. Et puis, donc, après quelques minutes, après qu'on ait le temps de se préparer, Oudi se tape dans les mains et dit « Bon, assez lambiné, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. » Et il se tourne donc vers Einar et lui dit « Aujourd'hui, on va emmener paître les rennes dans la mer de brume. Donc Einar, je te demande de mener le groupe qui va s'occuper de ça. » Et il dit « Et donc pendant ce temps, le reste des femmes et des enfants et quand il dit ça, il y a son regard qui passe sur Kirste, va rester au village et va rester au village et faire comment dire, continuer à réparer les tentes qui ont été endommagées par l'hiver. Et donc il reclaque des mains et voilà, ça donne l'air de s'entendre que ça souffre aucune discussion. C'est comme ça que les choses vont se passer. Et donc, il commence à préparer ses affaires pour voilà, mener les rênes et voir comment Einar se débrouille. Alors, est-ce que quelqu'un va donc ouais, donc Einar, ça te va, tu accompagnes Oudi pour mener les rênes, ça me paraît logique. Ouais. Donc, alors, juste, excusez-moi, oui. Juste, voilà, vous me dites après si la division assez sexiste des tâches me semble cohérente, mais après c'est à vous de me dire si vous n'avez pas spécialement envie de cette teinte là, on va dire, sur la fiction. Moi, je ne vais pas te cacher que j'avais réfléchi à une idée par rapport justement à quelque chose de sexiste, enfin de sexiste par rapport à mon personnage. Donc, si on accepte, parce que finalement, c'est plutôt réaliste, je pense, par rapport à la période où on est, etc. Et par rapport au fait qu'on mange de la viande, enfin, etc. Donc, on n'est pas forcément dans une société qui réfléchit à ce genre de problème. Donc, moi, ça m'irait potentiellement. Si on valide que la subdivision des tâches est sexiste, on va juste pas se référer à une réalité historique parce que je pense qu'aucun d'entre nous est spécialiste en fait de la Ouais, culture t'as des raison, Sam, moi donc j'avais. ça se trouve c'est pas du tout, enfin tu vois, Ouais, non, on sait pas j'avoue, trop quoi. je retire ce que j'ai dit, c'est C'est vrai, un grand nord je n'en sais rien. fantasmé, de toute façon Ouais. c'est vaguement inspiré d'eux, donc. Notre tribu narrative, effectivement, fictionnelle, bah voilà. En tout cas, sous l'égide de Woody, c'est comme ça que ça se passe. C'est les femmes, si j'ai bien compris, les femmes restent au campement et s'occupent à gérer le campement, et les hommes font l'élevage et la chasse, quoi. En tout cas, c'est comme ça que Woody voit les choses. Voilà, Voilà. tout à fait. Pour lui, il veut surtout pas mettre en danger inutilement les membres de la tribu et donc il fait pas forcément confiance aux femmes et aux enfants pour pas se mettre en danger. Très bien. Donc, tuk tuk tuk. Donc, ce qui se passe, c'est que Einar et Woody, vous échangez un de vos liens. Donc, je le fais, hein, je le fais tant que je l'ai sous les yeux. Comme vous assistez, en fait. Donc, tu peux raconter ta journée passée auprès des rennes, hein, mon cher Woody. Tu as toute autorité sur le décor et les figurants jusqu'à ce que. Ah oui, mais alors attends. Einar, t'étais le MJ, mais du coup, faut qu'on trouve un autre MJ parce que là, tu es occupé avec ton personnage. Bah, c'est Tapis. soit toi, soit moi. Je pense qu'il vaut mieux que ça soit toi parce que j'ai pas forcément d'idée tout de Ok, suite. très bien. Bon, ok, je vais être le MJ. Donc, du coup, Donc, Woody, tu peux raconter ce que tu veux. Je crois que. Toi, Inar, en tant qu'accompagnant, t'as pas trop d'autorité sur le décor et les figurants. Tu gères juste ton personnage. D'accord. Voilà. Bon, n'hésite pas, hein, précise, c'est une suggestion. C'est ça. Okay. Donc, effectivement, on part mener le troupeau pour paître à la mer de Brume. Donc, voilà, on est caché dans un endroit entre les bois, la clairière et la mer de Brume, et donc on descend par des petits chemins avec le troupeau qu'on pousse devant nous, et on commence à approcher d'une prairie qui est couverte effectivement d'une grande mer de brume. C'est quelque chose que j'aime bien parce que voilà, on est en sécurité ici, on est dissimulé, surtout qu'il a pas neigé depuis longtemps, et même si je suis pas forcément le plus dévot des membres de la tribu, comment dire, je crois quand même qu'on est protégé par l'esprit du loup des neiges. Et donc, au bout d'un moment, quand on commence à s'approcher, je mets la main sur l'épaule de Einar. Einar, d'ailleurs, il est physiquement, c'est quelqu'un de plutôt, voilà, il est grand, il est fort, donc c'est quelqu'un il est encore, on va dire, jeune. Il est encore jeune, il est même plutôt élancé. Je pense que l'apprentissage qu'il avait était plus spirituel que physique. Donc c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il s'occupe plus des animaux que d'aller chasser ou pêcher. Ils lui conviennent pas trop, visiblement. D'accord. Et donc il lui met la main sur l'épaule et lui dit, bon, Einar. Je te fais confiance, tu peux nous mener dans la mer de brume. voilà, maintenant tu vas être un homme de cette tribu très bientôt, quand tu seras marié à Kirsten, donc je compte sur toi pour me montrer de quoi tu es capable, quoi. Et puis, donc, sans lui mettre plus de pression, il lui fait une petite tape sur l'épaule et il marche à ses côtés. Einar ne fait que, en fait, acquiescer de la tête, sans prononcer un mot. Peut-être un très léger sourire sur son visage. Ravi quand même qu'on lui fasse un peu confiance. Et je pense qu'il se dirige vers les rennes pour observer si tout va bien, s'ils ont pu survivre comme il faut à l'hiver. Petite info, hein, donc pour Sapa, en fait, comme t'es pas impliqué dans l'activité, apparemment tu peux intervenir en tant qu'adversaire, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, enfin, ton personnage pourrait s'opposer à la bonne tenue de l'activité pour une raison X ou Y, quoi. Alors, mon personnage ou autre chose ? Ton personnage. D'accord, ok. En gros, c'est Thomas qui joue l'adversaire principal, mais toi, c'est tu es un adversaire secondaire, en fait. Bah, c'est en tant que, enfin, ton, c'est-à-dire que c'est ton PJ qui serait l'adversaire, quoi. Je verrai pas mon personnage, le vieux sage, ouais, traverser les brumes comme ça. Je pense que physiquement, il commence à être affaibli et ça lui viendrait pas à l'idée. Bien sûr, mais c'est pour info, en fait. Oui, c'est-à-dire oui. Que, du coup, si t'es pas impliqué dans l'activité, tu peux être antagoniste de l'activité. Ok. Et donc, alors si j'ai bien compris, les rennes, en fait, ils sont restés dans la mer des brumes, dans les pâturages au niveau des brumes pendant l'hiver. Vous n'avez pas vraiment vu de l'hiver, et en fait, là, vous allez les retrouver pour voir ce qu'ils sont devenus, quoi. C'est ça. Ok. Mmh. Et en fait, l'obstacle, c'est que vous les retrouvez pas. Vous les retrouvez pas. En fait, les brumes sont absolument épaisses. Ça forme un mur blanc, quoi. Et c'est hyper, enfin, presque surnaturel, quoi, à ce stade. Et c'est vraiment très compliqué de retrouver les rennes. On les entend pas mugir, quoi. Donc, soit ils sont perdus, soit ils ont littéralement disparu de cette région, quoi. Et donc, votre journée va se transformer en stressant jeu de piste pour arriver à débusquer les cerfs. Donc, je dois donner un score, en fait, à cet obstacle, qui est valable entre 1 et 3 cauchemars. En avançant entre 1 et 3 cauchemars de la réserve, alors, je vérifie, mais je crois pas que les cauchemars aient des... Il y a un cauchemar... qui a un nombre maximum de cauchemars. Je vérifie. Une vingtaine devrait suffire. Ouais, je vais tenir un compte quand même des cauchemars. Normalement, il y a 20 points de cauchemar au total. Maximum. Donc là, j'en utilise 2. Donc ça fait 18. Donc ce qui donne la difficulté à surmonter. Alors, je vais vous expliquer comment on peut surmonter un obstacle. Tu dois expliquer en fait comment tu t'y prends, un outil, pour surmonter l'obstacle. Et donc, tu as un dé juste du fait de décrire comment tu tentes de dépasser l'obstacle. Tu te rajoutes un dé pour faire intervenir ton trait saillant, hein, qui tout que tu me redis, le fait que tu sois perfectionniste. Ouais. Plus un dé si tu es accompagné par un autre personnage. Donc, en l'occurrence, Einar, en fait, si tu décris comment tu aides Woody, ça va rapporter un dé. Et un dé si tu réponds à la question du joueur adversaire. C'est-à-dire que, en même temps, je vais te poser une question pourrie. La question que je vais te poser, c'est pourquoi ne voudrais-tu veux-tu éviter qu'on retrouve... Azu, le grand cerf sacré. En fait, parmi tous les cerfs du troupeau, il y a un cerf qui est un peu plus qu'un cerf, tu vois, c'est un esprit, quoi. Et en fait, la question, c'est pourquoi tu voudrais éviter que lui soit retrouvé. Donc je considère que si tu réponds pas à la question, c'est que peut-être que la question n'a pas lieu d'être et que t'as aucun problème à ce qu'il soit retrouvé, quoi. Alors, je vais te dire, avant que tu choisisses de voir combien tu récupères de dés. Quand tu lanceras les dés, chaque 4, 5, 6 est une réussite et donc permet de résorber un des cauchemars. Donc, la difficulté de deux cauchemars. Donc, en fait, il faut que tu fasses deux réussites. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Allô? On coupe pas le troupeau. Si tu échoues, tu vas récupérer les cauchemars sur toi. Donc, ça va te revenir te hanter pendant la nuit. D'accord, c'est bon. Et de okay. même que le Einar en fait récupérera le même nombre de cauchemars. Par contre, si toi, tu réussis en fait, tous les cauchemars que tu résorbes vont te permettre d'obtenir un lien de ta couleur qui rejoindra le pot commun. D'accord. Un temps ça échangé, marche. C'est chelou ça. Oui, un lien. C'est quel dé qu'il faut lancer? Les D6, je suppose. Oui, c'est des D6, ouais. Tout à fait. Après, bon, tu n'importe quel autre dé pourrait faire l'affaire, parce que l'objectif, non, top, bon, c'est vraiment des D6 qu'il faut. Alors, je suis emmerdé avec ces histoires de liens, parce que je donnais 4 au départ, mais en fait, j'avais mal lu. En fait, ils sont bien tous dans le pot commun au départ. Donc, les échanges, c'est que pendant les journées. Donc, je pense qu'en fait, vous n'êtes pas échangé de. Voilà, il faut tout remettre dans le pot commun. Donc, il n'y a pas eu d'échange de liens au départ. Ok. Ok. Donc, comment dépasses-tu l'obstacle? Ok. Pour un dé. Alors, comment je dépasse l'obstacle? Eh ben, je vais faire quelque chose que normalement, moi qui suis ici concerné par la sécurité de la tribu, j'essaie d'éviter à tout prix. Je vais dire aux membres de la tribu qui m'accompagnent de séparer, en fait, pour couvrir plus de terrain. Et voilà, je me retourne vers eux et je leur dis c'est pas possible, les reines sont là d'habitude. Alors soit on les a manqués dans la mer de brume, mais je vois leurs traces nulle part. Soit il y a une malédiction, quelque chose comme ça, un mauvais esprit qui nous joue un tour. Je ne sais pas, mais nous devons en être certains. Donc, séparons-nous et nous donnons rendez-vous à la grosse pierre levée devant laquelle nous sommes. C'est un de nos points de repère dans la mer de Brune. Et donc, je prends Einar à part et je lui dis « Écoute, je compte sur toi. Je sais que tu t'entends bien avec les bêtes, que tu as un lien un peu particulier. J'aimerais que tu m'accompagnes. Et qu'on cherche ensemble. Je connais bien la mer de brume et toi, je sais que tu seras le meilleur pour chercher des traces. Comment tu fais intervenir ton perfectionnisme pour un dé de plus? Parce que, alors, vous me dites si vous voulez aider, parce que je suis particulièrement, on va dire, je suis prêt à prendre tous les risques. Justement pour retrouver le troupeau et assurer l'avenir de la tribu. Donc, tous les risques, à savoir faire se séparer les membres de la tribu dans les mers des brumes. Ok. Einar, comment tu t'y prends pour aider Udi? Eh bien, Einar, par son apprentissage, va faire du yoik, donc le chant traditionnel. Des Samis. Et en gros, il compte sur le fait que les animaux, entendant sa voix à laquelle ils seront habitués, soit réagiront, indiqueront leur présence, voire peut-être reviendront d'eux-mêmes. Est-ce que tu veux vraiment faire, est-ce que tu veux faire un chant ou c'est juste du, c'est juste en discours indirect, tu dis que tu chantes? Malheureusement, je ne sais pas faire le yoke. Il y a un chant basé sur le son de la gorge, donc je suis navré. La prochaine fois, on prendra des chanteurs de métal. Ouais, c'est ça. On avait fait du yoik en début d'une autre partie, mais bon, je suis pas présent, donc je vais quand même pas chanter à ta place. je jouais du tambour, ça va un petit peu faire l'ambiance, on cherche les rênes. Et donc, est-ce que tu réponds à ma question, mon cher Woody? Oui. Pendant que Einar chante, je lui dis écoute, par contre, que ça reste entre nous, hein, Einar, mais ce serait mieux, vu qu'il n'y a que nous deux, je sais que je peux te faire confiance, je t'ai accueilli dans cette tribu, voilà, comme si t'étais de ma famille, comme si t'étais mon propre fils. Si jamais on retrouve Azou, mais on n'est pas obligé de le ramener. Ça m'intéresse pas trop ces histoires d'esprit. Et je sais que Sapa est très très préoccupé quand on a Azou avec nous. J'ai peur qu'il en oublie son devoir de chaman qui est de garder la relique qui nous a été confiée par le loup des brumes. Et tu sais que si on perd cette relique, on sera vulnérable. On n'est pas obligé de le ramener. Tu vois ce que je veux dire. Et donc, voilà, j'estime avoir répondu à la question. Okay. Le visage d'Einar aurait été complètement impassible pendant que vous disiez ça. Ok. Pendant que tu lances tes 4D, bon, allez, je vais quand même tenter le yoik. Alors, je vous demanderai toute votre indulgence, hein, bien sûr. Pendant que tu jettes tes 4D. Allez, je lance mes dés. À la recherche des rennes. J'ai eu un 4. Un 4 et un 5. Je crois que je les vois là-bas. Combien de réussites? 4 réussites. Bon, bah c'est génial, c'était largement plus qu'il n'en faut. Donc tu absorbes tu convertis en fait ces deux cauchemars en lien de ta couleur qui viennent rejoindre le pot commun. Ah oui, alors, décidément j'ai encore mal placé en fait. Donc en fait, il fallait bien qu'il soit dans la pioche. J'ai vraiment eu du mal à visualiser au départ où est-ce qu'allaient les liens. Donc du coup, il y a deux cartes, deux liens en fait de la couleur de Woody. Qui viennent rejoindre le pot commun. Ok, on va essayer. Et du coup, on a fini ta journée. Je vérifie qu'il y a autre chose. Pour ma part, j'ai peut-être un de mes liens qui vient chez Woody, non? L'inverse, peut-être? Eh ben, non, en fait. non, du tout. Tu récupères rien. Mais j'apprécie ton effort, quand même. C'est ça, exactement. Okay. Et alors du coup, Einar, je te laisserai me dire, du coup, si on a retrouvé ou pas Azou. Et donc, je pense que c'est toi qui va tomber dessus. Et donc, voilà, on est dans les brumes. Je suis en train d'essayer de rassembler les rênes et je vois pas forcément tout ce qui se passe. Donc, c'est à toi de choisir si tu m'aides, si en tout cas, si tu m'écoutes, si tu ramènes le renne avec le reste du troupeau ou si tu l'envoies balader un peu plus loin et que tu ramènes le troupeau sans lui. Einar ramènera Azou. Et effectivement, il parlera peut-être. C'est assez rare qu'il discute. Je pense c'est rare qu'il. Il parle beaucoup, Einar. Donc là, il s'adresse vraiment à toi. Je pense plutôt que la disparition du cerf aurait perturbé votre frère. Votre père. Et quand tu fais ce lapsus, tu me vois faire me renfrogner un petit peu et je dis ainsi soit-il, mais bon, je peux pas vraiment te le reprocher. Et du coup, je me retourne et je te parle plus jusqu'à ce qu'on rentre au camp. Voilà. Du coup, Thomas, est-ce qu'on en reste là pour la phase de journée? Oui. Alors, je vérifie si on peut faire jouer plusieurs personnages, mais je pense que oui. Alors, il y a juste. Je suis désolé, j'avoue que j'ai. Ma difficulté principale consiste à bien comprendre la circulation des liens. Et donc, je vous avais dit au début de la journée que vous vouliez prendre un lien de la couleur de la personne que vous accompagnez. Il fallait effectivement le faire. Donc, ça veut dire que Oudi, dans la pioche, tu vas aussi prendre un lien de la couleur de Einar. Et puis, c'est bon, c'est fait. Et Einar, tu récupères un lien de la couleur de. Egnar, c'est Jeff. Ouais. Voilà. Ok, alors je vérifie dans l'exemple de partie si effectivement. Tac, Ouais, alors Gusto, tac. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que... Ok. Donc, en fait, de ce que j'ai compris, pendant la journée, tous les personnages peuvent faire une activité. Et si tu as déjà aidé quelqu'un, en fait, tu peux quand même faire ton activité à toi. J'avoue que j'ai aucune idée de, en termes d'équilibrage, si c'est pas du power gaming en fait, d'aller aider tout le monde et puis tu vois de, j'ai un peu peur que ça pourrait l'être. Je pense que à mon avis, par souci d'équilibrage, à mon avis, il vaut mieux que tu puisses aider qu'une fois quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, c'est, ouais. En fait, comme c'est ma première partie, j'ai vraiment du mal à jauger l'équilibrage du jeu. Ça semble cohérent que tu fasses une activité d'aide et pas, ouais, c'est ça, pas ouais. Beaucoup pas beaucoup plus ouais. Parce que sinon les autres aussi devraient pouvoir faire d'autres activités et tout le monde devrait faire toutes les activités de tout le monde en soi quoi. Ouais, du coup ça fait un peu tout le monde dans le minibus à chaque fois et puis du coup on va surtout accumuler les liens très très vite quoi. Ce qui va faire ouais, ok, très bien. Qui veut faire la prochaine activité? Moi, je propose une activité, c'est aller récolter le sang de l'arbre qui saigne des bois hantés. Ok, c'est dans le cadre de tes rituels. Voilà. Une idée derrière, moi, je fais pas. Je t'ai. Alors. Tu voulais dire quelque chose, Thomas? Ouais, non, j'allais t'aider, mais je vais pas t'aider parce que. en fait, je voulais aller t'aider, mais j'ai pas le droit de sortir. T'as pas le droit de sortir. Bah oui. Ah oui, on t'a oui, interdit de sortir je suis relégué du au courant. campement, ouais, tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais peut-être que tu voulais sortir, tu vois, échapper Ouais. du cadran, mais peut-être qu'on t'a grillé ou quelque chose comme ça, peut-être qu'on t'a vu et que Ouais, du coup, je voulais tu t'en sers. t'accompagner. Toi, tu, en fait, je voulais t'accompagner, genre, tu m'as. Ça te Voilà, je t'ai dérangeait pas, quoi. repoussé. Ah, c'est toi qui m'as Non, repoussé, ok. moi je t'ai repoussé parce Ok. que je me souviens quand même que j'ai Ouais. un fils mort la dernière fois que t'es sorti du camp. Oh, ouais, Donc c'est vrai, je c'est bon, préfère prendre tous les risques pour moi et pas pour ma petite fille. J'ai l'impression que j'en entends parler longtemps de cette histoire. Ok, Ouais, très bien, ouais, bah évidemment. Du coup, en ronchonnant, en tapant dans les cailloux et tout, je retourne au campement. Est-ce que Einar ou Di vous accompagnez Sapa? on peut pas puisqu'on est on était nous Ils partis sont occupés au au pâturage. pâturage. Bah, en fait, je pense que vu que En c'est tant possible d'à que la fois faire une ouais. activité et d'accompagner quelqu'un, le jeu part du principe que vos activités vous prennent pas toute la journée, donc vous avez pu avoir l'occasion de rentrer pour prêter main forte à Sapa. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça Si se passe, quoi. jamais il y a une personne, ce serait plutôt Jeff qui est intéressé. Et C'est logique. ouais, sauf que moi, j'ai pas envie que de lui apprendre des trucs. Par contre, j'ai besoin de quelqu'un pour me protéger parce que je suis faible. Donc je le fais, mais c'est à contre-cœur, tu vois. Donc je vais pas être agréable avec lui, quoi. Ça vous Bah va dans après, l'idée ou pas? ouais. Bah, peut-être que justement, pour rebondir sur ce qui s'est passé avant, je viens peut-être avec justement Oussa, qui va acter de ton Ça? Le le dieu père serre? Le dieu de serre, ouais. Azou? Azou, ouais. Azou qui doit peut-être acter que tu es fidèle aux traditions. Voilà, c'est ça. Ouais. En soi, ouais, c'est ça. En fait, j'attendais le retour du troupeau parce que j'attendais Azou. Parce que c'est le seul qui sait se guider dans les bois hantés. En fait, sans lui, on se perd. Ok. Ça pourrait être bien. Enfin, je Très bien. propose. Bah, les deux sont compatibles, puis en même temps, Allez. il acte que tu agis. Le dieu renne va pouvoir acter que tu agis selon les rites ancestraux, quoi. Ok. Ok, super. Donc, du coup, est-ce que ça te va pour varier, Antonio, ça te va de faire l'adversaire principal, là? Ok, si vous voulez. Après, Thomas, peut-être que tu ne respecteras pas la règle et peut-être que tu iras nous voir quand même et que ça pourrait nous embêter. Ouais, ce sera à toi de voir comment tu le fais, quoi. D'autres projets. Non, C'est une belle proposition, mais mais j'ai autre ok. chose en tête. Du coup, ça fait déjà quelques minutes, enfin plusieurs heures que j'attendais le retour et je suis chargé avec une sorte de bol en bois pour récupérer le sang de l'arbre, quoi. Okay. Donc vous racontez le périple, vous pouvez profiter du périple pour avoir une interaction entre vous deux, discuter et tout. Alors attends, il y avait des exemples d'interaction, là, je vais vérifier, c'était quoi? Ouais, un obstacle, interaction, dialoguer, décrivez comment Einar peut décrire comment il soutient notre ami. Mettre en scène un moment de complicité pendant l'action elle-même, ou évoquer la rancœur d'un personnage pour l'autre à Ah. travers une dispute. Voilà, c'est le genre d'interaction qu'il peut y avoir avant le moment où l'obstacle survient. Donc, évidemment, où Antonio va pouvoir vous interrompre quand il voudra pour décréter un obstacle. Moi, je propose que du coup, Jeff essaye de me convaincre de le prendre C'était et que prévu. moi, je lui dis non. Voilà, fin de l'histoire. Ça te va du coup? Par contre, on ne dit pas beau-père, beau-grand-père, ça se dit pas. Et tu peux m'appeler grand-père comme tout le monde. Ou sapa. Ou le sage. Sache ça pas. Voici un jour comme prévu. Je sais, je l'attendais. Bien. Mettons-nous en route. Pourrais-tu m'aider à grimper sur son dos. Le bois maudit est loin et mes articulations se font rudes avec l'air vert. Je lui fais la courte échelle. Ouais, je monte sur le dieu cerf, qui accepte bien évidemment parce que je suis aimé des esprits. Et ouais, donc, coup, nous, nous partons, pour le bois maudit. Donc on va en avoir pour l'après-midi sans doute. Du coup, je pense que c'est à Ignar de lancer la discussion là-dessus. Je pense qu'il y a quelques minutes qui passent dans un silence de mort. Avez-vous reconsidéré la question quant à votre succession? Oui. Et c'est toujours non. Le sang du loup ne coule pas dans tes veines. Tu ne sais pas abreuver du lait maternel de la louve. Comment pourrais-tu prétendre au plus haut grade chez la meute que nous représentons? Est-ce que tu le comprends? Je comprends également que les étoiles m'ont envoyé ici. J'ai bien vu que votre fils ne cherche pas la bénédiction des esprits. Et à ce moment-là, tu vois que je pose une main sur l'épaule du cerf. Je la repousse. Tu es corrompu, tu es sale dans notre tribu. Et je ne permettrai pas, malgré le fait que j'ai besoin de ton aide pour notre survie, je ne permettrai pas que tu use de tes connaissances d'étrangers dans notre spiritualité. Ambiance, quoi. Ouais. Mais malgré ça, sache que si nous ne rapportons pas ce sang, la tribu pourrait en être condamnée. Donc j'espère que malgré ce que je t'ai dit, tu prends conscience de l'ampleur de la tâche qui t'incombe. Et l'on peut vivre une vie très belle et simple, sans avoir besoin d'aider les esprits dans leur quête. J'espère juste que vous comprendrez plus vite que le jour où le loup viendra vous chercher. J'espère que ce jour-là, un petit louveteau prendra ma place. Malheureusement, le destin me fait bien des misères. Et je n'ai que pour seul successeur une fille bien trop téméraire. Et tandis que tu prononces ces paroles, il y a quelque chose qui attire ton attention. Donc vous êtes au milieu des bois, voilà, ils sont sombres et l'atmosphère est pesante. Il y a des immenses conifères qui bloquent la plus grande partie de la lumière du jour. Et en fait, tu vois qu'il y a quelqu'un qui semble vous regarder d'entre les troncs des arbres. Cette personne a l'air d'être entièrement nue. Et tu vois en fait qu'il a l'air d'avoir du sang sur son corps. Et en fait, bon, c'est un bois hanté, hein, donc c'est pas la première fois que tu vois des choses étranges, mais en fait, en regardant mieux et en plissant tes yeux, ben, je sais pas d'ailleurs, je sais pas si tu peux le voir, peut-être que c'est avec mes vieux yeux, j'aurais du mal, mais peut-être que Le jeune garçon me l'indique, ou peut-être ne me l'indique-t-il pas. Ben en tout cas, toi, Ednar, tu reconnais une personne que tu n'as pas connue très longtemps. C'est justement Pija, qui est en fait le fils de Sapa. Et donc voilà, ça semble être un esprit. Et alors, bon, toi qui as été toi qui as quand même quelques connaissances de chaman, tu sais que ce serait pas une bonne nouvelle à annoncer à Sapa, parce que ça veut dire que visiblement l'esprit loup l'a pas jugé digne de l'emmener dans l'au-delà. En tout cas, c'est probablement quelque chose comme ça. Egnar, que vois-tu, mon enfant? Je ne peux distinguer les silhouettes sous les ombres des arbres. Je pense que tu as d'abord un silence. J'ai d'abord, hein? J'ai pas entendu. Un silence. D'accord. Pensez-vous réellement que ma vision soit suffisamment pure pour traduire ce que je vois? Plus j'avance dans ma vie, plus je ne fais plus confiance à mon savoir. Dites-le-moi, nous verrons bien. Je vois un mauvais présage. Je vous suggère d'avancer sans y prêter attention. Vous avez une tâche à accomplir. Il est vrai, il est vrai. Et je continue ma route. Alors, mon cher MJ, je vais te demander, en fait, de chiffrer la difficulté de cet obstacle. Alors, vu qu'on est, le temps nous est compté, je pense qu'il ne faut pas que tu, faut pas hésiter à faire des obstacles chers, quoi. Hein. Aller jusqu'à 3 cauchemars, c'est du fait que voilà, on n'a pas beaucoup de temps de jeu, donc... Okay. Je pense qu'à mon avis, on va éviter directement les cauchemars à 1, on va faire que les cauchemars à 2 ou 3. Quoi. D'accord, ça marche. Ok. Eh ben, en fait, Ednar, tu avais tourné la tête pour regarder sa part quand tu lui as répondu, mais quand tu retournes ton regard dans cette direction, tu vois que l'esprit qui était devant toi, a changé de forme et c'est désormais un énorme ours blanc et voilà le sang perle sur son pelage et en fait tu vois qu'il se rapproche de vous en reniflant et vous sentez tu vois en fait la vapeur s'échapper de ses naseaux et sa langue fouiller devant lui comme s'il était affamé. Est-ce que ça a l'air vraiment d'un animal ou d'un esprit? C'est-à-dire que... Ah, c'est une bonne question. Peut-être comme Azou, l'avatar de l'esprit, justement? Oui. Ouais, je pense que c'est un esprit, effectivement. Alors, est-ce que c'est un autre esprit que le fantôme que tu avais un instant avant? Ça, je pense que c'est plus Sapa qui pourra le dire. Ou est-ce que c'est un, est-ce que c'est un, est-ce que voilà, le fantôme que vous avez vu essaie de vous avertir de son arrivée? Ou est-ce qu'il s'est changé en cet esprit-là? C'est à vous de voir. Mais en tout cas, la difficulté donc sera de 3 cauchemars. Sache Sapa. L'esprit d'un ours nous suit. Et un soit, et écartons-nous ou combattons-le ou mourrons ici sur place, qu'importe. Je ne comprends pas, les ours sont des protecteurs. Aurions-nous comme une faute? Je ne réponds pas à la question et j'essaie de voir un peu justement l'ours et de réfléchir à comment je pourrais justement l'écarter. Et je me penche pour murmurer quelque chose aux oreilles du cerf, en espérant qu'il cède à ma requête. Mais je sais pas si le système est bien prévu par rapport au combat ou. Enfin, je le vois, je saurais pas trop quoi dire par rapport à quoi lui demander au cerf. Après, je pense que peu importe finalement la manière, c'est plus à toi de décrire ouais. Comment tu fais pour fuir ou pour mettre en fuite la créature. Parce qu'en fait, on après... demande comment tu dépasses l'obstacle. En fait, ça implique ouais. que tu es plus ou moins un objectif qui est, par exemple, ne pas effectivement, ce qui peut être éviter, tout simplement, éviter une confrontation avec l'ours ou le terrasser. Mais j'ai l'impression que tu voulais plutôt le. De contourner, ouais, plutôt. De contourner, ouais. Voilà. Donc ça, c'est ton objectif, et si tu vas lancer les dés pour ça, quoi. Ouais, bah, je demande peut-être au cerf de passer discrètement, de faire oublier notre présence, de disparaître dans la végétation. Ouais, très bien, ouais. Qu'on ressemble à des arbres ou un truc du genre. Mmh, ouais, donc je pense qu'à mon avis, ça te donne les deux premiers dés. Quoi. Tu décris comment tu dépasses l'obstacle et en même temps, tu fais intervenir ton trait qui émet des esprits. Ouais. J'aimerais savoir comment, Einar, tu t'y prends pour aider, en fait, Sapa. Bah, je pense que déjà, en guidant un peu également le cerf, sans le contraindre, et surtout en m'interposant entre l'ours et Sapa, espérant benoîtement peut-être que ce sens des animaux que j'ai convaincra l'ours de ne pas se montrer agressif. Alors, cher MJ, as-tu une question douloureuse à poser à Sapa? Pour lui permettre, s'il y répond, d'obtenir un dé supplémentaire. Donc, est-ce que j'ai des exemples de questions? Alors, j'ai peut-être une question, mais ouais. Du coup, c'est une question que je dois poser au personnage ou au joueur? C'est une question que tu poses au joueur, parce qu'en fait, ça se passe dans sa tête, quoi. Il n'y a pas un figurant qui lui pose la question. C'est en réalité, c'est une question que tu poses au joueur concernant son personnage. Ce que je veux dire, c'est que le personnage doit être conscient de ce fait-là, quoi. Non, du tout. En fait, ça peut être... Moi, j'ai essayé de poser une question qui était un peu connectée à l'obstacle, mais en fait, ça pourrait être complètement déconnecté, complètement parler d'autre chose. Bon, l'élégance voudrait que ce soit connecté, mais je pense que c'est pas du tout obligatoire. D'accord. Cette question peut être très invasive. En fait, tu peux en profiter pour prendre des libertés sur le personnage de Sapa, comme je l'ai fait, tu vois, que j'ai dit pourquoi tu veux pas que le cerf revienne. Tu vois, en posant cette question, je prends de la liberté sur ton personnage. Et donc, c'est une question pour la gratter, on l'a compris. Et j'en viens à vous dire que j'ai oublié un truc qui est quand même important, c'est que dans ce jeu, il y a une technique de sécurité émotionnelle qui s'appelle la carte X. C'est qu'en fait, si à un moment, il y a un... Soit que ça peut venir de la question ou de tout événement en fait, dans le jeu, s'il y a quelque chose qui rencontre un malaise de votre côté, quoi... Vous avez le droit de demander à ce qu'on zappe, en fait, à ce qu'on fasse une ellipse ou à ce qu'on passe à ce qu'on passe littéralement à autre chose, en invoquant la carte X. Alors, la carte X est censée être utilisée, tu vois, quand on est, je vais y arriver, en réel, quoi. Là, vous contentez juste de dire carte X, quoi. Mettons, je dis n'importe quoi, que la question que tu poses, à Sapa, elle soit vraiment elle soit connectée à un thème qui en fait est sensible pour Tapis, le joueur de Sapa, bah, il peut dire carte X et là du coup il faudrait que tu poses une autre question, quoi. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Très bien. Et ben, donc, une sorte de joker. Pardon ? Oui, c'est une sorte de joker pour simplifier. Bien sûr. Ok. Et bien, donc la question que vous posez. C'est donc ton personnage n'est pas au courant, Sapa n'est pas au courant que cet ours symbolise l'esprit de son fils. Mais toi, ton personnage, il sait en fait que en fait l'esprit de son fils n'a pas pu rejoindre la terre des ancêtres. C'est quelque chose. C'est quelque chose. La question s'adresse bien à Sapa. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, oui, ton fils ne peut pas rejoindre la terre des ancêtres. Et en fait, c'est de ta faute. Du coup, quelle est cette raison pour laquelle ton fils peut pas rejoindre a pas pu rejoindre la terre des ancêtres? Alors, est-ce que j'ai le droit de dire exactement ce que je veux? Il y a pas de ou c'est il y a par rapport à. Ouais, c'est assez libre. Hein. Je crois même que tu auras à dire je sais pas. Ouais, non, parce que moi, j'ai envie, justement, pour qu'il y ait du drama, moi, j'ai envie de dire, c'est parce que j'ai perdu l'artefact de notre tribu, mais je ne l'ai pas dit. Et ça fait déjà plusieurs semaines que c'est le cas. En fait, l'artefact a disparu. Et donc peut-être que ton fils il serait mort après la perte de la relique et c'est pour ça qu'il peut pas aller parce que l'esprit du loup est en colère et ne guide plus les esprits. Ça craint, mais t'as bien attaché dans une grande largeur là quand même. Bah ouais, mais comme ça au moins ça crée du drama. Enfin, il faut que je taille aux gens, mais je pense que ça peut être intéressant. Ça marche, moi ça me va bien. Ok, du coup tu peux jeter 4D, ça part. Ok, bah alors je vais sur une table virtuelle. Je t'en prie. Donc pour que ça soit un succès, il faut que ça soit quoi? 4, 5, 4, 6. Alors moi j'ai 2, 6, 2, 4. Donc j'ai 6 et 4. Donc tu vas... transformer deux cauchemars en lien de ta couleur qui vont agrémenter le pot commun. Je te laisse faire parce que je m'y repère pas forcément. Ouais, ouais. Et il y a un cauchemar qui... Et tu notes sur ta feuille de personnage que tu as un cauchemar. Ok, j'ai un cauchemar. Et Einar, comme tu es aidé, tu as également un cauchemar. Ok. Alors, donc il y a un cauchemar résiduel hein, du coup, mais ça représente pas forcément un échec de l'activité, mais plutôt les séquelles que subissent les personnages ayant participé à l'action. Du coup, je veux bien que Sapa et Inar vous dites quelles séquelles en fait vous conservez de cette rencontre avec l'ours. J'ai caché mes larmes, mais en réalité, je savais que, enfin, j'ai ressenti l'esprit de mon fils en fait, et je l'ai ignoré. Et donc, j'ai vraiment la sensation d'avoir abandonné mon enfant, quoi. Ok. Et Nart, quelles sont tes séquelles ? Le fait qu'il a, il se sent mal d'avoir menti quand même un peu, enfin d'avoir caché la vérité à Sapa, et sur le coup, je pense que la vision de cet ours un peu qui est censé être un protecteur et qui là se montre plutôt agressif, ça fait écho avec le refus des esprits, le refus de Sapa de devenir chaman et la peur, enfin le cauchemar récurrent qu'il a où ils refuseront à lui aussi l'accès à l'au-delà. Du coup, là, il se passe quoi? C'est quoi la suite? Ta journée est terminée, en fait, là, et du coup, on va passer à soit la journée de Einar, soit à celle de Kirste. Ouais, juste, est-ce que tu veux raconter très rapidement... comment se passe du coup la récolte de sang à l'arbre? Tu juges que c'est pas utile? Brièvement, c'est en fait il y a un arbre là où il y a plein de cadavres animaux autour en fait, et je coupe un bout de l'arbre comme si je le saignais, et je récolte ça dans un bol et on repart direct après. Ouais, c'est de la sève. Un peu sombre, quoi. Ouais, bah c'est de la sève sang. Ça ressemble énormément à du sang, mais je suis pas médecin. Ok. Je suis chaman, moi. Einar, est-ce que tu te sens de vivre ta journée ou on fait plutôt celle de Kirste? J'aimerais bien, limite, faire celle de Kirste avec où je serai l'ennemi principal. L'adversaire principal. Ouais, très bien, d'accord. En fait, moi, si tu veux, normalement, je devais m'occuper genre à monter le campement. Mais, comment dire? J'ai pas eu envie. J'ai pas eu envie. En fait, je me dis que j'ai réfléchi un moment. Au début, je me suis dit non, mais c'est vrai que ce qui s'est passé cet hiver, c'est hyper grave, tout ça, machin. Mais en même temps, je sens bien que là, depuis que Woody elle a vraiment pris son rôle de chef, hein, il veut me cantonner vraiment un rôle de personne qui doit obéir, quoi. Donc, cloîtré au campement, donc je sais que je connais la suite, je vais devoir épouser Einar, tout ça, machin. Enfin, faire tout ce qu'on me demande. Et donc, je me dis qu'il faut tout de suite casser cette dynamique-là. Si je laisse ça s'installer, je vais être foutu. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que je me barre en fait en discrètement du plus possible en courant tout ça je me barre du campement, je cours avec mon arc jusqu'aux falaises hurlantes parce que je suis persuadé que cette fois-ci je vais pouvoir faire une chasse prodigieuse. J'ai amené pas mal de sacs et tout et que qu'entre guillemets voilà, de toute façon les dieux, enfin les esprits peuvent plus rien me prendre, j'ai plus rien à perdre. Donc je tente le coup pour le coup et je me dis que si cette fois-ci je fais une super chasse aux falaises hurlantes, et ben la tribu va passer l'éponge sur ce qui s'est passé cet hiver et puis je serai accepté en tant que chasseuse et non pas en tant que grouillotte qui doit monter le campement, quoi. D'accord. Et en fait, j'avais une idée de scène. Tu pourras broder si tu veux, Einar, Jeff, quand tu joueras l'obstacle. Alors déjà, est-ce que quelqu'un m'accompagne? Je ne sais pas si c'est possible, mais enfin, je pense que si vous voulez. Ouais, c'est peu probable que Woody t'accompagne. Ouais. Si vous avez envie de m'accompagner, ça peut très bien être qu'au début, vous avez vu que je me suis barré, vous m'avez pisté, puis vous me retrouvez sur la falaise hurlante, et du coup, de facto, vous êtes avec moi. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, ça ne me dérange pas d'être toute seule. Ok. Et en fait... Est-ce qu'on peut te rejoindre potentiellement après, si on veut ou pas? Oui, je pense que oui. Si d'un coup, tu trouves que c'est pertinent, oui. Et en fait, sur la falaise hurlante, il se met à avoir un vent de tous les diables, quoi, un vent monstrueux qui charrie plein de choses, des branches, des trucs et tout. Donc, je me protège tant bien que mal avec mes pots, quoi. Les sacs que j'ai amenés pour trimballer du gibier, quoi. Je m'en sers un peu comme de bouclier. Et il y a quelque chose qui vient me frapper, ça fait un choc sourd, j'entends un petit cri. Et puis une deuxième chose, puis je vois plein de formes charriées en fait par le vent à toute vitesse. Et là, je me mets à exulter en me disant que les esprits sont en train de me rembourser au centuple. Enfin, même si on ne pourra jamais rembourser la mort de mon père, mais en tout cas, donne un petit truc en compensation, quoi. C'est qu'en fait, je suis sous le feu d'une tempête de lemmings. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, tu vois, des dizaines, peut-être même plus, des centaines, c'est difficile de tout voir tellement il y a une tempête, de lemmings qui tombent, en fait, qui sont emportés, tu vois, par la tempête, et que du coup, j'aurais plus qu'à assommer, ramasser dans mon sac, et je vais revenir avec une cargaison de lemmings absolument incroyable, quoi. Et justement, alors que tu commences à les ramasser, il y a peut-être un lemmings qui, un peu bien emporté par le vent, vient te frapper, et tu tombes, en fait, sur le côté. Dans la neige, pas de douleur, rien, juste surpris. Et au moment où tu vas pour te relever, tu as une main tendue vers toi. Un jeune homme que tu n'as jamais vu, qui est dos à ce vent qui charrie les lemmings. La lumière déclinante du soleil le nain va en lumière et ton cœur bat la chamade alors que il te tend la main. Tu ne sais pas pourquoi tu te sens à la fois libre et ben tu ne sais pas ce que c'est que ce sentiment que tu éprouves. Ouais, donc lui, c'est l'obstacle. Tu es en train de tomber amoureuse. Ouais. Et je pense que c'est un cauchemar à trois. À trois, ouais. La façon dont moi je l'interprète, ou Kirste l'interprète, c'est que... Enfin, plutôt moi, c'est que... Bon, soit c'est effectivement qu'un être maléfique, en fait, qui a l'apparence d'un beau garçon, tout ça, mais en fait, c'est un super piège. Ou soit tout simplement que si Kirste est tentée de partir avec lui, de quitter la tribu, bah, c'est ça l'obstacle, c'est qu'elle sera plus dans la tribu, quoi. Pendant un temps, je me dis, ouais, c'est ce que je devrais faire, en fait, puisque j'ai décidé de choisir à qui je vais aller vivre. Après tout, j'ai qu'à plaquer tout le monde et puis partir avec cet homme, avec ce jeune homme. Mais, entre guillemets, j'ai une part intérieure qui me dit qu'il faut résister à ça parce que je sais pas, il est un peu trop beau pour être vrai. Je me demande si c'est pas une menace surnaturelle. Et puis aussi parce que quand même, c'est pas le programme que j'ai fait. Je veux pas quitter ma tribu tout de suite. Je veux pas être. Si je m'enfuis, je veux vraiment être une lâcheuse, quoi. Du coup, je vais faire intervenir mon tressaillant aussi, tout simplement. C'est-à-dire que je ramasse autant de lemmings que je peux et en fait, je me barre sans me retourner, tu vois. Parce que j'ai peur que si je jette à nouveau un coup d'œil à ce jeune homme, je pourrais pas résister cette fois-ci. Je ne suis pas accompagné, donc j'ai pas le troisième dé. Et est-ce que tu as une question à me poser ? Qu'est-ce que tu crains le plus ? Je dirais que... Ouais, qu'est-ce que je crains le plus ? Ouais, non, j'avais une réponse, mais elle n'était pas... Dans ce cas, attends, je vais modifier la question. Qu'est-ce qui te retient dans la tribu ? La culpabilité. C'est que je veux absolument pas l'avouer, mais c'est sûr que je me sens coupable pour la perte de mon père, quoi. Et du coup, j'ai le sentiment qu'il faut que je rembourse quelque chose à la tribu et que je peux pas me barrer comme ça, quoi. D'accord. Ok, donc ça me fait 3D. Alors. Génial, j'ai fait qu'une réussite. Donc, alors. 12. Ça fait qu'il y a un lien de ma couleur qui vient enrichir le pot commun. Et pour le coup, donc j'ai deux séquelles. Bah, en fait, je pense que je cours comme ça et en fait, tout d'un coup, je au milieu de la tempête, je m'écrase contre un obstacle. En fait, c'est lui, quoi. Est-ce qu'il s'est téléporté ou est-ce qu'il court plus vite? Il est juste devant moi et tout. Et en fait, je l'embrasse fougueusement et il récite une romance. D'une tribu que je connais pas, une tribu magique. Il récite une romance à mon oreille et tout. Et en fait, voilà quoi. C'est le truc, c'est que je suis tombé dans ses bras à un moment, quoi. Finalement, il y a un moment, au bout d'un moment, je fous une baffe et puis je me rebarre à nouveau, quoi. Mais le mal est fait, c'est-à-dire que je suis tombé amoureuse en fait de cet inconnu, quoi. Mmh. Et donc, ce qui fait que je gagne deux cauchemars. Voilà. Ça fait ça. Ça risque d'être des cauchemars plutôt sympas. Bien sûr. Et donc, on va finir avec la journée de Ou de Einar. Ouais, c'est un peu dommage parce que globalement elle est censée être faite puisque je me suis occupé justement du troupeau. Bah, soit tu retournes auprès du troupeau parce que pour moi vous avez surtout rassemblé donc il y a peut-être plein d'autres activités à faire avec le troupeau, soit tu fais une autre activité quoi. Ah, bah tiens, je vais peut-être faire une autre activité. Je pense que. Ednar veut intercéder, enfin veut demander le soutien de l'esprit du cercle de pierre. Ok. Et se soumettre au jugement. Et je pense que je vais me présenter à toi un peu essoufflé, tout ça, et je vais me proposer pour t'aider. Parce que en fait, j'essaie de guérir le trouble qui m'agite et je me dis que je vais me forcer un petit peu à passer du temps avec Einar et puis essayer de trouver des qualités, bien que c'est pas gagné quoi. Bah, bien que j'ai beaucoup de respect pour toi, Einar, mais j'ai pas d'amour quoi. Donc c'est ça en fait qui me manque. Ta présence me réchauffe le cœur. Donc je suis hyper rougissante quand tu dis ça. Tu l'interprètes comme tu veux. Voilà. Bah, au contraire, ça met un petit sourire sur les lèvres d'Ednar, okay. Qui pense que c'est pour lui que c'est dédié. Je compte demander la bénédiction de l'esprit du cercle. Ton grand-père... me considère comme impur. Il dit que le sang du loup ne coule pas dans mes veines. Mais pourtant, tu es promise à moi, donc les étoiles ont quand même dit que tu faisais partie de la tribu. Visiblement, ça ne lui suffit pas. Bien, ben, je vais t'aider à prouver que tu es... Que tu es accepté par les esprits. Dis-moi juste ce que je dois faire. Intercède en ma faveur auprès de l'esprit. Ça se passe donc dans un lieu particulier, le. Bah, la clairière sacrée. La clairière sacrée. Ouais. Ouais, il y a le cercle de pierre, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, on va dans la clairière sacrée, cercle de pierre. Toi, tu c'est te mets quel au milieu du cercle, je suppose. Pardon ? C'est quel esprit déjà que, dont tu veux la. Dont tu fais, à qui tu fais la demande ? On n'avait pas décidé de qui était. Enfin, quel était l'esprit. Ouais, mais du coup, c'est à toi de décider. Je crois que tu l'as dit, mais j'ai pas entendu. Bah, on a dit que l'esprit de la tribu, c'était le... Le loup. Ouais. Voilà, le loup des neiges. Le grand loup blanc. Mmh. Non, mais si tu veux, c'est cet esprit-là, ça peut être un autre esprit, ou je sais pas... Je pense que effectivement, c'est un autre esprit, justement, pour rebondir. C'est peut-être effectivement un ours. L'esprit de l'ours. Un grand ours blanc... Ça va pas être un peu confusant avec l'ours qui est pyja hein. Non. Bah peut-être que c'est fait exprès. Voilà, bah, c'est... Ah, ok, très bien. Bon, ok. Et je pense qu'en fait l'esprit est dans le cercle de pierre parce que justement c'est le il y a une sorte de clé de protection en fait qui veille sur le village. En gros, c'est l'ours représente la tribu. Et le cercle de pierre, la protection dont il nous fait bénéficier, en fait. Très bien. Bah, moi, je t'aide du mieux que je peux, hein, bien que je ne suis pas très doué dans les arts chamaniques. Si j'ai bien compris, je suis le MJ de la scène, c'est ça ? Oui. Et du coup, moi, je décris l'univers, je décris quoi ? En fait, tu décris rien. D'accord. C'est... C'est Einar juste pour qui écrit tout, mettre. mais sauf à un moment où tu vas interrompre la Ouais. narration et tu vas poser un obstacle. Ok. Ça Donc, marche. bah Ednar il prend Kirsten par la main, la guide à travers une partie donc, des bois hantés pour atteindre la clairière. Et lui dépose un baiser sur le front avec un sourire tendre. Je vais faire mon office. Et à ce moment-là, il avance dans le cercle de pierre et à l'aide d'un petit couteau, il s'entaille la main et la pose au sol en guise d'offrande à l'esprit de l'eau. Esprit de l'eau, intercède auprès de notre père loup. Montre au grand sage Sapa qu'il s'agit de votre volonté. Dans un premier temps, rien ne se passe. On va tester un peu ta volonté. Tu continues à le faire malgré les non-réponses. Je pense que bah il pense peut-être que le sacrifice n'était pas suffisamment important. Et il s'ouvre la deuxième main et il pose les deux mains au sol en vraiment en signe de presque de soumission peut-être et de respect. Okay. Et se met à chantonner donc toujours ce York. Ok. Quand tu relèves la tête, tu vois devant toi un nuage de neige blanche avec deux cailloux qui se sont soulevés. Et cette espèce de nuage avance vers toi, mais n'entre pas dans le cercle. Et ce nuage s'incline une première fois pour te saluer. Et tu entends une voix qui te dit: Que veux-tu? Je veux la bénédiction de l'esprit du loup, afin que je puisse remplir mon rôle au sein de cette tribu. Honorer les esprits, vous honorer. Et qu'as-tu à m'apporter contre cela? La pérennité de la piété de la tribu. Les traditions s'essoufflent. Je serai le garant de la protection de cette tribu. Est-ce que cela vous va si l'obstacle, c'est de convaincre l'esprit de l'ours? Oui, ça paraît logique. Oui, pas de souci. Tu le chiffres à combien de cauchemars? Et ben on va. Parce que je sais pas si je fais. Bah allez, on va dire que c'est pour créer un peu de l'action. Est-ce que 4 ça existe ou pas? Ou Non, c'est c'est 3 trop? max. Ok, bah alors 3. Très bien. Alors, de mémoire, Jeff était quelqu'un de très très chanceux au dé, hein, donc ça devrait pas lui faire. C'est ironique, hein, je précise. D'accord, ok. Bah, je pense que globalement, la discussion que j'ai faite, c'est déjà finalement la réponse de enfin, l'action Oui, de bien Ignar. sûr. Et bah, le fait qu'il soit aimé des animaux, bah, peut-être que justement, on a le cerf Azou, justement, qui nous a peut-être suivi, en fait. Ouais, donc contre toute attente, il émerge en fait dans la clairière. Bah, moi, je suis impressionné quand même, je m'attendais pas à ça. Et pour t'aider, en fait, Je sors en fait un instrument et j'en joue en fait pour te donner de la puissance mystique, quoi. Donc je m'implique un peu plus que ce que j'aurais voulu, parce qu'au début tu m'as juste dit d'être là puis de prier pour toi, en gros, quoi. D'accord. Est-ce que ton instrument c'est un sac de lémine? Sac de lémine. Oh non, ce serait dégueulasse. Est-ce que tu as une question à me poser? Oui. Donc comment s'appelle le dieu cerf déjà? Azou. J'ai pas son... Hein? Azou. Azou. Azou, voilà. Pourquoi Azou pleure en te voyant? Je pense qu'il pleure à cause justement d'un paradoxe. À la fois, il sent que j'aurais dû être justement le successeur et que c'est d'autant plus logique que je m'occupe de lui. Et en même temps, ça fait un peu écho au concept de l'impureté que parlait Sapa, parce que comme Sapa ne me reconnaît pas comme son disciple, techniquement, je ne suis pas censé avoir le droit de le toucher. Donc, en gros, c'est quelque chose qu'il à la fois demande et en même temps qu'il ne peut pas accepter. Ok. Ça me va. Donc, je pense. Donc, 4D, c'est ça? Je crois que c'est ça. Avec 4 coups, c'est ça? Il y a un 4D, il faut que tu fasses 3 succès. Donc, les succès, c'est 4, 5, 6. Ok. Bon, j'ai qu'un seul dé, donc je lance à toi. Bien sûr. 5, 6, 4. Dis donc. Ben voilà. Putain, protégé par l'esprit reine. Ah là, c'est toi. Visiblement, le dé a voulu te donner tort, Thomas. Pas mal, pas mal. Du coup, c'est la fête. Il y a trois. Alors. Une vingtaine. On a que quatre. Ouais, parce qu'en fait, il disait qu'il fallait une vingtaine de liens. Attends, ouais. Comment? En fait, je ne sais pas. C'est chelou, en fait. Je ne sais pas si la pioche est limitée à un lien par nombre de joueurs. Je pense que c'est ça. Donc, je vais pas en rajouter plus, quoi. Parce que du coup, ouais. Je pense que ça équilibre, parce que sinon, c'est vrai que celui qui aide, toi, t'as aidé tout le monde. Donc ça faisait un peu power gaming, et donc je pense que ça équilibre, parce que du coup, tu peux pas entrer enrichir le pot commun avec tes liens, quoi. D'accord. Bon. J'espère que je ne trahis pas trop les règles du jeu. J'avoue que je suis un peu... Encore une fois, je suis pas très bon pour comprendre la circulation des liens dans ce jeu. Ok. Bon, bah c'est super, il y a pas de séquelles. Du coup, sans doute qu'il répond à la requête. Tout à fait. T'as la bénédiction de l'esprit ours maintenant. Ouais. C'est mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît sur ton corps, quelque chose qui te change, qui montre cela? Est-ce que tous les membres de la tribu ont les cheveux aussi clairs que Kirst? Pourquoi pas d'inconvénient si ça t'arrange. Ouais, ça pourrait, comme ça, du coup, toi, t'as les cheveux plus foncés, c'est ça, et tes cheveux deviennent clairs? Ça, il était brun, et il passe, effectivement, une espèce de blond, blond châtain, peut-être pas aussi clair que les vôtres, mais... Okay. Peut-être le souffle, justement, de l'esprit qui projette quelques flocons et qui se dépose sur les cheveux, qui perdent un peu de leur couleur. Alors, tout petit disclaimer, hein, évidemment, on pourrait voir là-dedans une espèce de métaphore xénophobe. Déjà, je suis à peu près sûr que ce n'est pas du tout ton cas dans la vraie vie, Jeff. Et puis, non, sans doute notre tribu est un peu xénophobe, ou en tout cas ça pas, mais ça ne dit rien des vrais lapons dont on connaît très mal la culture, nous quatre. Hein, donc, encore une fois, il s'agit d'une fiction. Hein. Bien entendu. Mais sinon, la symbolique est forte, ouais, effectivement. Du coup, tes cheveux perdent de leur sombreté, quoi, et commencent à ressembler aux nôtres. Et effectivement, maintenant, on va devoir admettre que tu es au moins à moitié des nôtres, quoi. Impeccable. Alors, vu l'heure qu'il est, Ouais, je cauchemar, c'est pense ça. qu'on fera pas une partie entière, parce que pour moi, une partie entière, c'est plusieurs journées, tu vois. Donc, l'objectif, c'est de faire quand même, de finir, de faire les trois étapes. Donc, la veillée, bon, de toute façon, c'est vrai que la journée, c'est vraiment le plus long. Après, c'est un peu plus court, quand même. Mais donc, on va faire la veillée, les cauchemars, et puis le petit matin, et puis on finira, à mon avis, ça nous fera finir vers 17h30, quoi. D'accord. Est-ce que je peux vous demander 5 petites minutes de pause? Ok. Je Alors fais le. le plus vite possible. C'est juste qu'on a besoin de mon aide. Est-ce... On a besoin de mon Ouais. aide. Ça te dérange si on continue sans toi pour le par souci de direct? Vas-y, Et on te fera un je résumé. veux. Ça te Ça va? marche. Il Désolé. y a des gens actuellement qui sont en train de regarder? Non, Ou personne ne c'est. nous regarde parce que l'enregistrement est privé, mais Ouais, disons d'accord, ok. au final, pour avoir un seul document d'un seul tenant, tu vois, Ouais, je je préfère comprends, le. ok. The show must go on. Mais oui, le plan direct. Alors, la veillée. Donc, en fait, on va se réunir pour la veillée. Pendant cette phase de jeu, on va discuter les uns avec les autres, se fâcher, se réconcilier sous l'autorité du chef de famille, donc Oudi. Très bien. Donc, c'est là où on va se raconter notre journée avant de vivre nos super cauchemars. Et, tac. Donc, Oudi, tu vas devoir décrire le contexte de la veillée. Est-ce que on est autour d'un feu de camp, assis dans l'une des tentes? Est-ce qu'on a à manger ou est-ce qu'on manque de ressources? Et tu vas aussi décrire comment Oudi se présente à la veillée et peut-être comment son rôle de chef influence son comportement. Ah oui, ok. Donc, en fait, si j'ai l'impression que, si tu veux, la structure sociale de la tribu, en tout cas dans de mauvais rêves, hein, dans la vraie vie, je ne sais pas comment ça se passe, les Sam, mais fait que, grosso modo, le chef, en fait, change tous les jours. Mais bon, vu qu'on va faire qu'une journée, je pense qu'on va rester sur cette idée que c'est Woody le chef tout le temps, quoi. Ok, ça marche. Ça roule. Eh ben, donc. Quand tu auras fait ça, tu passeras la parole aux autres membres de la famille. Très bien, très bien. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, enfin, pour réagir. Oui, eh bien, donc, du coup, là, on a ramené au printemps les rennes au village. Donc c'est l'occasion normalement de faire voilà, une veillée, voir une petite fête. Voilà, on a pu recueillir le lait des animaux. Peut-être qu'on en a tué un pour avoir de la viande fraîche et pas du coup la viande séchée qu'on a mangée tout l'hiver, quoi. Et Oudi s'occupe d'organiser ça. Mais tout le monde peut voir qu'il est en train de fuminer et de bouillir intérieurement parce que Kirste a manifestement désobéi à ses ordres. Et voilà, elle a ignoré. J'ai ramené des lemmings, enfin j'en ai pas ramené tant que je voulais, hein, parce que j'ai eu un petit souci, Oui. quoi, mais j'en ai quand même ramené. Oui. Bah justement. Et donc sur ces entrefaites, voilà le. La journée est vraiment en train de se terminer. Donc on est au crépuscule, quoi. Et voilà. Normalement, la veillée se fait effectivement à l'extérieur, autour d'un feu. Il y a des membres de la tribu qui sont en train de préparer la viande autour d'un grand pot. Et donc sur l'entrefaite, il y a Oudi et Einar qui reviennent, quoi. Et donc, pardon, excusez-moi, j'ai une bêtise. Kirste et Einar qui reviennent de leur voyage à la Kaer Sacrée, quoi. Et donc quand Oudi voit revenir Kirste, il s'approche d'un pas décidé vers elle et il la gifle et il lui dit où est-ce que tu étais encore passé, espèce d'inconsciente, tu mets toute la tribu en danger avec tes sottises et voilà, il peine à contenir son émotion, quoi. Il dit tu n'apprendras donc jamais ce qu'il faut que je te coupe les jambes pour que tu écoutes tes aînés. Tu crois que c'est ce que ton père aurait voulu et voilà, et il commence à la battre. Donc bah, évidemment si elle se laisse faire, je l'arrête, hein. C'est ma petite fille, il va pas fâcher l'esprit comme ça, quoi. Juste, je te laisse intervenir, mais je pense que j'ai quand même juste le temps de dire, avant qu'il monte vraiment dans les tours, fait ouais, mais moi, au moins, j'ai ramené le fruit de la chasse. Je fais partie des personnes à qui vous devez votre repas de ce soir. Et il n'est pas forcément très, très, très réceptif à ça. Ouais, c'est pour ça que du coup, Sapa va devoir s'intercaler, quoi. On va dire il l'entend même pas, quoi. Il veut même pas savoir pourquoi elle est partie, quoi. Et donc tu m'arrêtes juste verbalement ou Non, j'essaie de t'arrêter physiquement, mais peut-être que le cours part et que tu tapes un vieil homme. D'accord, bah, effectivement, quand tu t'approches, effectivement, tu reçois peut-être un coup de coude qui te laisse le nez ensanglanté, quoi. Et du coup, ça fait retomber un peu ma colère. Je m'excuse. Comment oses-tu, petit effronté ? Je lui tends la main pour l'aider à se relever. La meute doit rester unie. Un loup solitaire est mort. Enfin, père. Sa désobéissance ne peut rester impunie. Je me suis peut-être un peu emporté, mais enfin, votre propre fils est maintenant dans le territoire des ancêtres par sa faute. Je me retourne. Ça, c'est, tu vois des larmes monter aux yeux de Sapa quand tu évoques ton frère. Et du coup, je détourne le regard, moi aussi, et je retourne vers Kirsten et je lui fais t'es fier de ce que t'as fait, tu vois la désunion que tu amènes sur la meute, honte à toi, qu'est-ce que t'étais encore faire, encore parti vadrouiller en dépit de ce que t'apprennent tes anciens. Je pense que je trouve pas la force de te répondre, puisque ma première réponse, de toute façon, n'a rencontré que ta violence physique en réaction. Et du coup, rouge de colère, et de culpabilité que j'ai du mal à cacher aussi, quoi. Je profite de ma vitesse légendaire, tu vois, pour littéralement courir à l'autre bout du camp, quoi, et me cacher, quoi. Et pour le reste de la veillée, je vais être là, mais si tu veux vraiment, genre, dans les ombres, quoi. Alors, moi, j'ai crié « Attends », mais tu étais déjà parti à ce moment-là. D'accord. Okay. Il est évident que cet abcès-là ne va pas être... cette question-là ne va pas être réglée tout de suite, quoi. Ouais. Malheureusement, Egmar n'a sans doute pas su réagir, vu qu'il n'est pas là. Ouais. Alors attends, apparemment t'es revenu parce que du coup tu demandes un résumé de ce qui se passe. Oui. Bah c'est pris de branlée, hein, je veux dire. Ouais, c'est ça. Oudi, tu veux bien résumer vite fait ce qui s'est passé? Bah du coup je m'en suis pris violemment à Kirsten. Et donc elle a été défendue par Sapa. Mais du coup, il a pris un coup ce faisant, quoi. Ça fait redescendre un petit peu la tension. Mais je suis toujours très en colère contre Kirsten. Et donc, elle est partie, sous le poids des reproches, elle est partie se cacher. Voilà. Et donc là, pour les autres membres de la tribu, j'imagine, on a fait un peu la mine d'ignorer ce qui se passait, voyant que c'était voilà, vraiment une affaire de famille entre les chefs du clan, quoi. Et donc la veillée est en train de continuer malgré tout. Ouais, c'est ça. Bah du coup, Einar, tu peux peut-être nous dire comment toi tu arrives à la veillée, dans quel état, ce qu'on peut lire sur ton visage et ton attitude générale. On peut supposer que tu viens d'arriver juste après cette scène, quoi. Bah, je pense que effectivement, peut-être que d'un commun accord avec Kirste, il était prévu que Einar arrive un peu plus tard, le temps qu'elle prépare le terrain, peut-être. Ouais. Justement de vouloir surprendre un peu la tribu avec. Ouais, c'est super vraiment. Bien préparé le terrain. Et donc, il devait attendre à l'extérieur. Et en fait, il est juste surpris de voir Kirste s'enfuir en courant, lui passer sous le nez, littéralement. Et je pense que, ben, en fait, il ne va même pas rentrer. Et il va courir derrière Kirste. Il le distancera très probablement. Ça roule, ouais. Kirste, reviens. Que se passe-t-il? Bon, tu finis par me rattraper, mais grosso modo, je te dis qu'ils sont vraiment trop bêtes dans la tribu et tout. Ils m'en veulent toujours pour ce qui est arrivé à mon père, mais je dis, c'est pas moi qui ai tué mon père, quoi. Attends, qu'est-ce qui a tué mon père déjà? C'est le tigre. C'est le tigre. Se trompe de cible. Udi en fait est juste trop lâche pour aller affronter le tigre lui-même et du coup il préfère s'en prendre à moi. Il ferait bien de faire attention parce que s'il continue, je pourrais bien me défendre la prochaine fois. Et tu vois, je te montre mon couteau. Je te pose une main sur le poignet. Allons, ma chère, ce n'est pas ton rôle. C'est à moi en tant que ton promis de défendre ton honneur et. Ben voyons. Mais en fait, c'est exactement ce que je voulais pas entendre. Du coup, je fais la gueule, c'est un peu fou, quoi. Que se passe-t-il? Mais je t'ai rien demandé. Écoute, je suis grande, je peux me gérer toute seule. J'ai pas besoin d'un chevalier servant. T'es vraiment trop nul, quand même. Regarde Kirste comme de ronflant, il comprend pas ce qui se passe, il est un peu choqué. Ouais, c'est compliqué, on peut dire qu'aujourd'hui t'as fait un pas en avant, deux pas en arrière avec Kirste, quoi. Ouais. Mais tu te fais peut-être plus accepter de la tribu par tes cheveux, mais c'était peut-être pas ça que tu voulais finalement. Bah du coup, pour moi, tu t'en as encore pas donné l'occasion parce que tu t'es pas présenté à la tribu, quoi. Mmh. Est-ce que tu le fais du coup, hein? Je pense que il se relève parce qu'il avait dû s'agenouiller pour essayer de prendre Kirste dans les bras. Je comprends que tu sois fâché. Je vais annoncer la nouvelle à la tribu. Et il se redirige vers la tente principale. Peut-être ça peut être intéressant de savoir comment Udi et Sapa réagissent à la métamorphose de Einar. Je suis surpris, mais étant donné ce qui s'est passé juste avant, je suis pas forcément dans. Enfin, je sais pas. je vais laisser répondre déjà. Mon fils, Udi, avant. Udi, je pense qu'il n'est pas vraiment concentré sur ce que fait Einar. Voilà, il est assis non loin du feu, en train de peut-être de racler justement la peau du renne qui vient d'être abattu. Et voilà, et bon, il fait comme si de rien n'était, mais il a la main qui tremble et voilà, il est vraiment rempli à la fois de honte d'avoir frappé son propre père, de rage contre Kirste, et puis en même temps il s'en veut d'avoir frappé, quoi. Bon, c'est quand même sa nièce. On va dire qu'il est vraiment absorbé sur lui-même. Donc, je sais pas si Einar veut lui faire remarquer particulièrement ce qui s'est passé. En secouant ses beaux cheveux. Non, en fait, comme à son habitude, en fait, Einar parle pas énormément. Il va juste s'asseoir sans un mot, comme si tout était normal. Peut-être juste un regard en direction de Sapa. Un mélange de défi et de détermination. Il dira rien de plus. Ok. Du coup, moi, je sais ce que je. La réaction de mon personnage. Sapa vient vers Egmar, lui pose la main sur l'épaule et lui dit il faut qu'on parle. J'acquiesce en silence. Donc, sans doute après manger, on va parler vite fait. On passe, on fait une ellipse à cette scène. Ouais. Ok. Je l'amène dans ma grande tente. Et je le regarde et je lui dis vu la couleur de ta chevelure. Il faut que tu m'expliques quel esprit as-tu imploré, qu'as-tu fait? J'ai demandé le soutien de l'esprit du cercle de pierre. L'esprit de l'ours des tempêtes? Oui. Bien. Bien, sache que si lui a accepté, je me vois dans l'obligation d'accepter moi aussi. Je ne peux pas aller à son encontre. Ça mettrait ma personne et la tribu en danger. Et il sort un bol posé justement quelque part avec une sorte de poudre verte et il me dit peux-tu me montrer ton dos s'il te plaît? J'enlève l'espèce de veste en peau de renne et je me tourne en accueillant les hommes. Est-ce que sur ton dos, il n'y aurait pas des griffures d'ours? Ou autre? Ou rien? Non, je pense qu'il n'y a rien. Ok. Du coup, je fais un premier... Donc, je prends avec mon pouce de la poussière verte. Je fais un premier trait. Je fais des traits un peu comme des flammes. Je dessine des tentes et je fais un cercle dans ce cercle, enfin derrière à l'extérieur de ce cercle, je fais des espèces de pattes et du coup ça, le tour représente une marque de loup, quoi. Et non, je lui dis tourne-toi, bienvenue chez nous. Et je le prends dans mes bras. Merci, je saurai m'en montrer. Sois à l'heure demain, j'ai beaucoup de choses à te transmettre. Et bravo à toi. Ok, ouais. Bon, c'est cool. Enfin un truc qui se passe bien. alors, je vais poursuivre. Donc, une fois que tout le monde s'est présenté, puis en l'occurrence, on a fait beaucoup de RP, mais c'était très intéressant. Le chef de famille peut commencer à s'adresser aux autres personnages, donc il commence par faire le bilan de la journée, puis n'importe quel joueur peut demander à avoir une discussion à cœur ouvert. Enfin, le chef de famille peut interroger un autre personnage sur ses rêves pour alléger la peine de la famille. Lorsque toutes les options ont été utilisées ou rejetées, la conversation se termine. Et après, on arrivera sur un truc un peu mécanique, en fait. La discussion à cœur ouvert, Ah, le bilan de la journée, du coup, est-ce que tu considères que c'est fait? Est-ce que tu veux en faire plus, sachant que tu peux rejeter toutes les options, hein, de toute façon, Woody? Oui, non, bah, le bilan de la journée très rapidement, du coup, voilà, je fais Parce que je un pense que petit du coup, c'est un moment où tout le monde doit quand même se réunir. Enfin, il doit y avoir au moins un moment de la Ouais. veillée, à mon avis, où tous les personnages doivent être présents, tu vois, même si on est super fâché. Tout à Où fait. vraiment ce serait vu comme un sacrilège de pas être là, quoi. Tout à fait, tout à fait. Bah oui, du coup, Einar et Sapa reviennent. Et Woody remarque qu'effectivement, il s'est passé quelque chose. Et même Kirste est là. Bon, elle est un peu cachée au deuxième ou au troisième rang, C'est ça. mais Kirste, enfin, Woody va pas faire de remarques. Et donc, il dit aujourd'hui est un grand jour. Nous avons ramené les rênes et nous avons survécu à l'hiver. Encore une fois, nous avons été dignes du loup des neiges et nous avons su faire respecter les enseignements de nos ancêtres et des esprits. Puisse-t-il toujours en être ainsi? Nous avons donc ramené les rênes. Et nous avons certains d'entre nous ont ramené des prises de chasse. Évidemment, il ne cite pas le nom de Kirsten. Hein. Et il me semble voir que quelque chose a changé pour l'un d'entre nous. Sapa Einar, que s'est-il passé? Je te sens changer, Einar. Alors vous me dites hein, si je prends trop de temps pour le résumer. Bon, ça va. Bah, c'est sûr qu'on va arriver à un moment où il faudra retracer. Disons Ouais, qu'il ouais. serait bien que d'ici 10 minutes, on ait fini la veillée Ça marche. pour pouvoir Alors, faire passer un peu de temps sur les cauchemars. ce que je te propose, c'est donc du coup, on zappe le passage RP pour expliquer ce qui s'est arrivé à Einar, quoi. Et donc du coup, bon, évidemment, Woody est heureux et il t'accueille dans la tribu. Donc, il te prend dans ses bras. Il dit que voilà, aujourd'hui, bon, c'était déjà à moitié un membre de la tribu, mais maintenant c'en est un complètement et que tout le monde peut s'en réjouir, quoi. Plus rien ne s'oppose à ce qu'il épouse Voilà, c'est ça. Kirsten. Puisses-tu être un homme valeureux et que tu fasses respecter l'autorité des esprits et du chef de la tribu, que ce soit avec voilà, dans le cadre de la tribu ou de ton futur mariage. Voilà. Et donc, du coup, si quelqu'un veut parler à cœur ouvert, je pense que ça pourrait être le mieux. Enfin, il me semble que c'est ça l'étape suivante. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, je sais que je vais zapper cette étape-là pour, bah déjà parce que c'est pas du tout RP de parler à cœur ouvert en ce moment-là, et puis pour aller plutôt pour aller aux étapes suivantes. Ok. Du coup, les Mais questions si sur les quelqu'un, rênes, si c'est de Einar partir. ou Sapin ont une déclaration publique à faire, n'hésitez pas. Hein. Puis, vaut mieux être bref, mais vous pouvez le faire quand même. J'ai envie de dire que c'est le moment pour que Einar demande officiellement et en public la main Ok. Bah, moi, tu vois, je pourrais annoncer peut-être que l'artefact avait disparu, mais ça contraindrait pas mal la fiction, quoi. Ouais, bah t'es pas obligé. Hein. Ouais, bah, je me sens pas de le Peut-être. faire. C'était pas Ok, le meilleur moment. Hein? ouais. Ouais. Ouais. Bah clairement, tu te fais Einar, tu te fais méga fusiller du regard. Je suppose que c'est à Sapa de dire si t'acceptes de donner la main de Kirste, quoi. C'est à moi de dire si j'accepte. Ouais, on va dire, puisqu'on a dit qu'on était une société un peu patriarcale, parce Ouais. que la mère de Kirsto est encore en vie, mais du coup, c'est toi un Ouais. petit peu le patriarche, non? Voilà, à mon avis, c'est Oudi ou Sapa, je sais pas ce que vous en C'est pensez, quoi. plutôt Woody, je dirais. Woody, ouais. Bon, bah, très bien. Alors, Woody, est-ce que tu accordes, est-ce que tu réponds favorablement à la demande en mariage de Émise par Einar? Et ben, du coup, quand il dit ça, effectivement, ça va totalement dans le sens de ce que Woody de ce que Woody espère, quoi. Et donc, il dit, je ne vois effectivement aucune raison de m'opposer à cette union. Voilà, les sages ont parlé, les étoiles ont parlé. Tu es maintenant un des nôtres. Dès que Kirste sera officiellement entré dans l'âge adulte, alors si tu es d'accord, c'est-à-dire à 13 ans et demi. Non, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse le rituel. C'est ça. Ah oui, oui, effectivement. Ouais. Bien vu. Et donc, je me tourne vers toi et donc vers Kirste, et bon, moi aussi je la fusille du regard et je lui dis, une fois que ce sera fait, je ne vois aucune raison de m'opposer à cette union bénie par les esprits. Alors moi je fais la gueule, et puis il y a la vieille folle du village qui sort toujours ce que enfin qui sait pas fermer sa bouche, en fait. Elle rigole à l'intention d'Einar, et puis elle fait haha, bon courage pour dompter ce renne sauvage. Voilà. Bonne ambiance. Ok. Est-ce que tu interroges un autre personnage sur ses rêves pour alléger la peine de la famille? C'est facultatif, mais je ne sais pas si tu es dans l'esprit, dans le mood pour faire ça, quoi. Ouais, alors pas forcément, et puis en plus, du coup, a priori, on n'a pas eu de rêve encore, donc... Non. Bon, donc... Ouais. Les rêves, c'est les quêtes, en fait, en quelque sorte. Je pense que c'est une invitation, je dirais que... Ah oui, okay. Sur ses rêves pour Alger, je crois que c'est soit une invitation pour à évoquer en fait la quête d'un personnage, le fameux rêve là, ou alors une invitation à ce qu'un personnage propose une solution collective, tu vois, pour la tribu, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, non, je pense qu'on va zapper. Ouais. Alors, donc. Alors, tu fais le bilan de la journée. Alors, c'est-à-dire que on doit évaluer les besoins de la famille. Donc, ils sont égaux au nombre de joueurs moins 1. Donc, en fait, on a besoin de 3 liens. Et donc, tu vas remettre dans la pioche... faut que tu remettes 3 liens dans la poche. Dans la pioche. Ok, donc des liens qui soient communs, soit qui appartiennent. Je pense que du coup tu mets ceux que tu veux. J'ai envie de dire mets ceux que tu entre guillemets des personnages que tu veux défavoriser, quoi. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, bah je dirais que je vais probablement mais si je remets que des trucs du pot commun, c'est bon, non? Ça pénalise personne, du coup. Tu mets du commun vers la pioche, en fait. Parce que je crois que le pot commun, il peut servir pendant la nuit. Donc, je te conseillerais de défausser, en fait, les jetons des personnages que tu aimes le moins, quoi. Ok, donc 3. Hein. Bah, donc, ouais. Alors, je vais en retirer un de Kirste, parce qu'elle a clairement été effrontée. Ouais. Et puis du coup, je vais en retirer un de chaque du pot commun qui sont du coup comme ça il y en reste un là, chacun. Attends, je t'ai vu enlever Eitnar. En fait, je t'ai vu enlever tout sauf Kirste. Ah, j'ai pas bien compris. Il y avait ça pour moi à la base. C'est ça. Ouais, hein, c'est ça. Ouais. Et donc t'enlèves Kirste. Je le fais à ta place. Ah non. Là. Ah, tu veux dire enlever le post-it avec marqué Kirste. Je croyais que tu voulais dire enlever de la tout colonne à fait, de Kirste. Ouais. D'accord. Non, du tout. C'est au niveau du commun, en fait, tu vas défausser 3 liens que tu vas mettre, on va remettre dans la pioche. Il faut que tu défausses ceux que tu n'aimes pas trop, quoi. Je vais en retirer un de Kirste. Ouais, c'est fait. Tu peux enlever un bleu, un jaune, si tu veux, quoi. Ouais, j'enlève un bleu, un jaune parce que, parce que je m'en veux et parce que, voilà. Très bien. Il va bientôt mourir, ça pas, donc c'est pas grave. Ok. Très bien. Donc, En fait, vu qu'il y avait plus de liens que les besoins de la famille, ça veut dire qu'on vivait à une période faste. La tribu vit dans le confort. Et donc, il reste des liens que tu vas distribuer à ta guise, en fait, dans nos colonnes. D'accord. Les liens comment, Ouais. Et donc, évidemment, je pense que tu vas donner les liens surtout aux personnages. Tu peux t'en donner à toi, hein, je crois. Attends. 4 liens. Sarah ou Johanna? Attends, c'est chelou. Ah oui, ok. Ouais, c'est ça. Tu donnes les liens, je pense, à ceux que tu veux favoriser, quoi. Après, tu peux être, comme il y en a trois, tu peux être Père Noël, puis en donner à tout le monde, mais c'est pas obligé. Ouais. Est-ce qu'on peut donner un lien, du coup, à une personne sur elle-même ou... Je crois ou pas, en fait. Je crois pas. D'accord. Ok. Bah, du coup, je pense que je vais répartir, effectivement, un peu en mode... Papa Noël. Hop. Ah, mais okay. Ouais, ça fait deux sur. Donc, on va faire. Comment on va faire? Ah. Vais-je résoudre ce casse-tête? Ouais, non, c'est pas possible. De toute façon, il y a forcément deux verres dans une colonne. Ah, ouais, ouais, bah écoute. Ok, allez. Ouais, tu m'aimes beaucoup, beaucoup. Quoi? J'ai deux liens avec toi. Ok, tout à fait. Ok. C'est bon. Ok. Je suis sévère mais juste. Et nous, lors de la discussion à cœur ouvert, si notre réplique. La discussion à cœur ouvert, c'était mécanisée par un don de lien, c'est-à-dire si la réplique va dans le sens de l'apaisement des esprits, il peut y placer un lien de sa réserve en mettant un jeton dans le pot commun. Les jetons. Attends. Waouh. Ok. En fait, nos personnages, quand on participe à la discussion à cœur ouvert, on a le droit, en fait, si j'ai bien compris, hein, quand on dit des choses qui vont dans le sens de l'apaisement collectif, on place parmi les liens qu'on a récoltés, on en replace dans le pot commun. Et par contre, on peut aussi, au contraire, dire des choses entre guillemets. Dire des choses qui sont je vais y arriver dire des choses qui sont qui sont pas Charlie quoi et dans ces cas là un des cauchemars qu'on a gagné on le met dans le pot commun là il y a une économie qui est pas facile à comprendre tant qu'on n'a pas joué la première nuit hein. Sur plan virtuel. Ouais, c'est ça. Je dirais que. Ouais, moi je considère en termes de RP, tous ceux qui sont pas trop apaisés, je pense qu'ils devraient au moins mettre un cauchemar. De toute façon, Oudi, t'as pas de cauchemar. Non. Moi, je vais mettre un cauchemar dans le pot commun parce que je dis, grosso modo, je vous gueule dessus. Ouais, voilà, ça y est, l'affaire est entendue. Vous avez décidé que je deviendrai une femme. Vous avez bien décidé de mon destin. Je vois bien comment on me traite dans cette tribu. Et puis, je m'adresse aussi aux jeunes filles de mon âge et tout. Regardez ce qui vous attend. Est-ce que vous êtes prête à endurer ça, vous aussi? Je refuse absolument ce mariage. Einar, t'es un gentil garçon, mais clairement, tu t'es mêlé à une mascarade. Ça t'honore pas, quoi. Le déshonneur est sur toi, en fait, pour t'être mêlé à cette mascarade imaginée par mon vieux grand-père et le chaman des étoiles. Ok. Donc, si bien vu, en mettre un effectivement, excuse-moi, t'avais créé un post-it, on va le mettre là, ouais. On va écrire cauchemar dessus. Désolé, j'ai supprimé un post-it qui avait été créé par l'un d'entre vous. Voilà. Et du coup, ça fait quoi? Je sais pas encore. Moi aussi, j'ai un cauchemar. Ouais, ça te va de le déposer dans le pot commun aussi, ouais? Bah, je sais pas ce que ça fait, donc ouais. Je pense que c'est pas cool, mais ouais, je te propose de le faire, quoi. Si Bah, t'as un ok. truc, je pense que c'est si t'as un truc vache à dire, quoi, ça mérite de mettre un cauchemar. Ah oui, Qu'est-ce pour que tu... défausser ses cauchemars, il faut se lâcher, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Qu'est-ce que tu dirais du coup, sapin? Alors, c'est un cauchemar personnel? Enfin, déposer un cauchemar, En fait, et c'est-à-dire? grosso modo, c'est du moment que tu dis, lors de la veillée du monde, tu dis un truc qui fout la merde. Ouais. Effectivement, tu te défausses de ton cauchemar et tu mets dans le pot commun. Moi, je vois bien ce que tu pourrais dire pour qu'il foutrait bien la merde, mais t'as à toi de voir Bah ouais. si c'est prématuré ou pas. Bah aussi, je peux dire que ça foutrait la merde, je peux dire que j'ai perdu l'artefact. Enfin la relique. Ouais, très bien, Enfin, plasma. ça fout bien la merde. Effectivement. Ouais, donc les gens commencent à s'arracher les cheveux et tout ça. Alors, interroger les personnages sur leurs rêves. Alors, en fait, concrètement, quand un personnage raconte son rêve le plus précieux, il perd immédiatement un cauchemar. Ouais, alors. Je pense que c'est prématuré de jouer ça. Après, en même temps, Ouais. c'est le cas de Edna, finalement. Puisque Bah. il a enfin été accepté en tant qu'apprenti. Moi j'ai Ouais, été. bah si Alors, tu penses que. Ouais, c'est vrai qu'en termes mon de rêve, RP, ça c'était peut être d'avoir un logique. apprenti aussi. Ouais, mais t'as perdu la relique. Je Ouais. pense que c'est plus grave que d'avoir C'est trouvé un plus apprenti, grave. quoi. Tu sais, C'est tu vas vrai, c'est juste vrai. lui déléguer C'est l'apocalypse vrai. que t'as créé, quoi. Refilage de bébé. C'est ça. Bon, je t'ai laissé un royaume en ruine, hein. Bonne chance, mon fils. Ouais, Jeff, tu considères, Einar, tu considères Ouais, c'est que sympa. le fait d'être accueilli dans la tribu et d'obtenir la main de Kirste, ça te, Bah, c'est surtout le ça, fait. ça suffit à résorber ton cauchemar, quoi. Bah, disons qu'en maintenant il sait au moins que son rôle est accompli. Maintenant, la réaction de Kirste risque de causer un autre souci. Ah ouais, vous n'êtes pas sorti du sable, hein, c'est sûr. N'y a pas de sable là où on est. Non, non, mais en tout cas, du moins que son cauchemar qui était de se réveiller finalement rejeté par les esprits et de son rôle karmique, là maintenant, bah, voilà, les esprits l'ont dit bienvenue et le chaman lui a dit pareil, quoi. Donc, bon, maintenant, effectivement, il va falloir dompter la furie. Chose pas facile, Ouais. Bon, pour information, s'il restait des liens dans le pot commun, on aurait pu aussi les dépenser pour faire disparaître une rancœur. Bon, de toute façon, on n'en est pas là. Cauchemar restant excité par Céline. Après, si la rancœur de Jean, pas de Einar envers Sapa, là, de serait logique. Bah, en fait, mécaniquement, il aurait fallu qu'il puisse dépenser 4 liens pour y arriver. Donc, à mon Ah, avis, c'est pas possible. ouais, ça veut dire que peut-être que ça passe, si tu veux. Le fait que la rancœur existe toujours, rancœur, bah, de toute façon, Sapa, il n'a pas une rancœur envers Enna, il a une rancœur envers Udi, hein, donc. Non, mais il parlait que la mienne envers sa part disparaisse, Envers Sapa, ouais. il a finalement accepté. Bah, en fait, tu vois, mécaniquement, on n'a pas la possibilité d'effacer cette rancœur. Donc, peut-être que tu lui en veux quand même d'avoir mis tellement de temps. Peut-être que tu lui en veux encore quand même d'avoir mis tellement de temps à l'accepter. Ou peut-être que tu lui en veux parce qu'en fait, il te Voilà. refile quand même les calamités de la tribu, quoi. Ou peut-être que justement, en fait, il se rend compte que c'était pas forcément lui l'impur et que, en fait, c'était juste pour ne pas avoir à dire qu'il ne voulait pas, enfin, qu'il a refusé l'apprentissage, quoi. Ouais, c'est Il voulait ça, pas ouais. dire que c'est lui qui avait fait la boulette, quoi. Ouais, donc voilà, mécaniquement, tu peux pas effacer ta rancœur. Ok, bon, alors on va tenter de faire la nuit. Chaque joueur gagne un nombre de cauchemars égal à son nombre de rancœurs envers les autres membres de la famille. Donc, aucune rancœur n'est effacée, donc on gagne tous un cauchemar. Okay. libellule désigne ensuite le joueur cauchemar qu'elle va hanter pendant la nuit. Ah oui, il y a un seul qui va être hanté. Le joueur cauchemar est celui qui possède le plus de cauchemars et le moins de liens. Bon. Bah, je pense que j'ai le jackpot, hein, parce que j'ai deux cauchemars. Alors, je suis la seule à en avoir deux. Hein. T'es sûr? Moi, j'en ai qu'un, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui en a deux, non? Je sais pas si j'en ai deux ou pas, j'ai pas compris. Non, parce qu'en fait, pendant la journée, J'en ai chopé un. T'en as chopé un, et puis en plus, tu l'as résorbé, donc... Ouais. Moi j'ai compté que Oudi, Einar et Sapa sont tous à un cauchemar et moi je suis à deux. Ok. Et le mien avait sauté à cause du rêve. C'est pour ça que je te compte seulement un, parce que t'as résorbé ton cauchemar de la journée, mais au début de la nuit t'en gagnes un. C'est ça. Pareil pour Sapa, même mécanisme. Donc du coup je suis le joueur cauchemar. Alors, je dois avancer un cauchemar au centre de la table. Allez, j'avance mon jeton cauchemar. Alors, on va le mettre là. Ils ont fait une version VR de Mauvais Rêve. Ouais, c'est ça. J'ai tous les jetons. En fait, il y a un truc sur Roll20, mais en fait, je suis un peu nul avec Roll20, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai monté ce petit mémo virtuel. C'est du bricolage. Hein. C'est, alors que, bon, l'auteur a fait ça super bien sur Roll20, mais je suis juste trop nul pour réussir à voir comment ça marche. J'arrive même pas à cliquer sur les jetons. Donc. Au début, tu pouvais pas prendre, hein, pour Roll20. Ok. Ouais, donc du coup, je raconte mon cauchemar. Bah, en fait, c'est littéralement, je suis à nouveau. Je pense que dans mon cauchemar, je suis retourné dans la falaise, tu vois, pour rechercher les lemmings qui m'auraient échappé le premier coup, tu vois. Donc, je suis là avec mon arc. Et en fait, je me fais à nouveau attaquer par le tigre. Et quand je le vois, j'ai tellement peur que l'arc me tombe des mains. Et là, il y a mon père qui intervient. Et il se fait déchiqueter sous mes yeux, en fait, par le tigre. Je me mets à hurler. Et puis mon hurlement, en fait, se répand à travers les brumes. Il y a un million de lemmings qui tombent du ciel et tout, en faisant un bruit mat. Ils tombent et ils sont morts, en fait, au moment où ils tombent. Enfin, du coup, il y a une espèce de lemmings mort-vivant qui tombent. Et moi, je suis à moitié folle. J'ai les veines du front qui palpitent. Et donc, en fait, vous êtes conscient que Kirste fait un super cauchemar. Et que ça peut être assez terrible à la fois pour sa santé mentale, mais je crois aussi même pour la sécurité de la tribu. Et donc, un premier joueur peut alors dépenser un lien Kirste, mais alors il n'y a que Einar qui en a un. Et du coup, si tu dépenses ce lien, tu vas pouvoir raconter un souvenir heureux pour faire disparaître mon cauchemar. Je vais dépenser le mien et je pense qu'en fait ce que tu entends, alors que tu es sous cette pluie de lemmings morts, en fait tu entends l'harmonie qu'il y a eu quelques heures auparavant entre le chant de Einar et le tambour que tu jouais. Mm-hmm. Tu sens qu'il y a une espèce d'encre qui te relie finalement à quelque chose d'un peu plus positif et que peut-être, même si tu n'es pas amoureuse, il y a quand même une entente avec Einar qui te réconforte quand même et qui, dans les trucs dans le fond, il n'est pas méchant, quoi. Il ne fait qu'obéir aux étoiles, quoi. Mmh. Donc, effectivement, ça me conforte parce que je sens que Einar n'est pas mon ennemi dans cette histoire et que lui au moins ne m'en veut pas pour ce qui arrive à mon père, quoi. J'ai l'impression que c'est le seul. Et du coup, je continue à rêver, tu vois. Je suis quand même toujours tremblante et très fébrile, mais je suis loin d'être dans l'état. Enfin, mon état de crise s'apaise et en fait, il reprend. Après, je suis plongé devant un nouveau cauchemar atroce, mais cette fois-ci, tu n'as plus. Parce que tu n'as plus de lien, en fait. Et personne d'autre n'a de lien de ma couleur, et moi, il me reste un deuxième cauchemar. Tu n'as plus assez d'énergie mentale, en fait, pour m'aider, quoi. Et donc, cette fois-ci, je dois affronter ce cauchemar toute seule, et il commence à me ronger. Alors, hop. En fait, tu émerges de cette mer de l'énigme mort, et au moment où tu as la tête qui sort, tu as de nouveau cette main de ce jeune homme qui est tendu. Mmh. Ah, ok, ouais, l'inconnu, ouais. Ouais, ça aussi, ça me rend assez fébrile, ouais. Et donc, au petit matin, démarre un nouveau cycle. Le soleil se lève et une nouvelle journée commence. À ce moment-là, on fait le point sur l'état des personnages. Donc, moi, j'ai encore des cauchemars, donc je gagne un marqueur fatigué. Ce qui, en fait, pour votre information, ça complique le dépassement des obstacles pendant la journée, quoi. En fait, on les réussit, c'est sur 5-6. Si au bout de deux nuits, je peux carrément être épuisé. Donc là, les réussites, c'est plus que sur un 6. Donc ça devient très compliqué d'affronter les obstacles dans la journée. Si le joueur possède à la fin de la nuit plus de cauchemars, donc il m'en reste un, que de liens, il marque un marqueur fatigué. Non, c'était si j'avais encore. J'ai encore des cauchemars. Donc ça, c'est un premier marqueur fatigué. Et est-ce que j'ai plus de cauchemars que de liens? Non. Donc là, par contre, je n'ai pas un deuxième marqueur fatigué qui m'aurait fait monter à épuiser, tu vois. Bah, si je comprends bien, en fait, tu avais deux cauchemars. Et il y en a un qui a été supprimé avec du coup le... Par Einar, ouais, tout à fait, par l'histoire, le souvenir heureux d'Einar, il m'en reste un. Et le fait qu'il m'en reste un, ça me donne un marqueur fatigué. Et si en plus de ça, j'avais pas beaucoup de liens, j'avais un deuxième marqueur fatigué qui me faisait passer épuisé. Mais est-ce que nous, on a un jeton épuisé ou pas? Il n'y a que la cible du cauchemar. En fait, la nuit est finie, quoi. Il n'y a que la cible du cauchemar qui est fatiguée. En fait, il y a qu'une. Ouais, c'est ça. Il y a qu'une personne qui cauchemare par nuit, quoi. Donc après la partie épilogue. Bon, alors on considère que la partie est terminée là, même si effectivement on a fait que le début. Je pense qu'il faudrait de nombreuses journées avant que on ait effacé toutes les rancœurs. Situation du pot commun, moins de liens que de cauchemars. Il n'y a que des cauchemars dans le pot commun actuellement. Ouais, non, mais en fait, l'épilogue de fin de partie, il est pas du tout applicable quand on n'a pas fini, quand on est aussi peu avancé dans l'histoire. Ouais. Donc, bon, grosso modo, ce que je vous propose, c'est que... Est-ce que vous pouvez peut-être dire chacun votre tour ce que vous envisagez de l'avenir de votre personnage, à votre avis, comment ça va tourner, quoi. Moi, j'imagine bien que ça, il passe la majeure partie du temps à enseigner, s'il peut, notre ami Egnar. Mmh. Et le reste, il cherche des informations sur où se trouve l'artefact, au pire de sa vie. Ouais. Et Nar ou Woody, vous avez un épilogue pour votre personnage? Pour Woody, c'est un peu compliqué parce que c'est intrinsèquement lié du coup à l'avenir de la tribu qui reste assez obscur, mais je pense que lui, il va vraiment faire tout ce qu'il pourra pour à la fois aider Sapa à retrouver la relique. Et faut dire aussi que sans la relique, son frère et mon fils ne peuvent pas reposer en paix. Il y a ça aussi qui joue. Ah oui, absolument, ouais. Absolument. Et donc, bon, voilà, même si ça doit être au péril de sa vie, du coup, parce que c'est ce qui, finalement, même peut-être qu'il va un petit peu délaisser la tribu pour permettre à son frère de reposer un peu. Ce qui résoudrait le problème, enfin, ma rancœur par rapport à toi, par rapport au fait de délaisser le spirituel. Mmh. Si jamais. Ennar, quant à lui, ben, il va faire son possible pour assister, pour retrouver l'artefact et essayer de conquérir le cœur de Kyrst dans les formes. Mmh. Bah, quant à Kyrst, en fait, elle va vraiment passer les prochains jours, semaines, années, je ne sais pas encore, dans un déchirement total, en fait, puisque... déchirée entre le fait de se, bah, finalement d'accepter de faire ce qu'on attend d'elle pour rembourser en fait sa part de responsabilité dans la mort de son père, quoi, et entre le désir au contraire de gagner sa liberté et en fait elle se dit que si elle veut être libre, elle est obligée de quitter la tribu. Elle va envisager de proposer à Einar de quitter la tribu avec lui parce que finalement à terme vont peut-être quand même éclore des sentiments, quoi. Mais en même temps, je ne sais pas si elle va oser le faire parce que elle pense que Einar se sent très très lié à la tribu, qu'il a un rôle de chaman maintenant et tout, et que du coup il a un peu l'avenir de la tribu sur son dos avec cette histoire de relique perdue, tout ça. Et donc. Ok, je me barre. Hein? Ah bah voilà. donc voilà, un déchirement total, quoi. Je vais essayer de faire un petit yoke de conclusion et puis après on se retrouve, je couperai le direct pour un petit débriefing entre nous. Ok. Ah.